Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi-mensuel de La Cellule. Aujourd'hui, un podcast spécial, un podcast qu'on vous avait promis depuis très longtemps. Il s'agit bien sûr du podcast sur les quadrillas de Rebirth. On va commencer par quelque chose d'un peu historique. On ne va pas passer en revue l'aspect technique. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial parce qu'on ne suit pas l'actualité du blog de La Cellule, puisqu'il va être, on va dire, en différé. On ne sait pas exactement quand est-ce que ce podcast passera, donc on ne va pas répondre à vos questions sur le forum. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Thomas Fournier. Thomas, ça va, t'as la pêche là ? Ouais, j'ai la pêche, nickel. Eh bien, si t'as la pêche, approche-toi un peu de ton micro. Voilà, nickel. Bonsoir à tous les auditeurs. Approche-toi encore un petit peu de ton micro. Voilà, t'es parfait là, mon Thomas. Et donc, n'oublie pas, oui, que tu dois parler dans la mousse, quoi. D'accord ? Non ? Comme au travail. Alors, et puis avec nous également. avec nous également, Cédric Kersao. On avait eu l'honneur de l'avoir sur le podcast sur Film Finger. Et là, il est avec nous encore aujourd'hui. Cédric, ça va ? Toujours la pêche, la banane même. La banane. Pour hier, voilà. Eh bien, Pierre Fournier est avec nous également. Toujours présent. Pierre et Thomas, vous l'aurez compris, sont donc frangins. Eh hein. Ouais, c'est mon frère. C'est pas... Et on finit, galanterie. Petite question, pourquoi est-ce qu'il l'aurait compris ? À cause de... Parce qu'ils n'ont pas une voix très, très... Non, mais, oui, mais nom de famille. Thomas Fournier, Pierre Fournier... Ah, ouais. Il faut suivre un petit peu la famille. Non, bah moi, je bois mon verre de vin, je ne vois pas du tout pourquoi. On va dire qu'il y a un petit rapport avec son complément. Hein. Exactement. Alors, Flavie, justement, est avec nous également. Donc, on a terminé voilà, par les femmes. On n'a absolument pas respecté la galanterie. Enfin, les femmes. Notre femme. Carrément. Voilà. Donc, je suis la femme à tout le monde, si je comprends bien. Je suis leur femme, donc voilà. Eh bien oui, la seule femme dans cette table, parce que nous avons ici quasiment la table de Rennes. Il ne manque que François, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais c'est un peu, ce soir, le podcast des quadrillas vu par la table de Rennes. Et ça, c'est important à préciser pour nos auditeurs. Il nous manque également Yann et Tristan. Oui, alors, bon, Yann, il faut dire un truc, c'est qu'il est arrivé pas... À Sens Rebirth, il est arrivé qu'après, dans Sens Néant. D'accord ? Donc bon, voilà. Mais c'est vrai, tu as raison, est-ce qu'il va se vexer après ? Mais on se croirait pratiquement au pôle sud, là. Bah, quoi qu'il en soit, ce soir, un podcast historique des quadrillas de Rebirth. Donc, on y va, c'est parti. On va commencer d'entrée de jeu. Alors, donc, le 14 décembre 1996, naissent les quadrillas de Rebirth. Qu'est-ce qui se passe déjà dans cette nuit sordide ? Je pense que, puisqu'on parle de nuit sordide et ténébreuse, Cédric est tout indiqué pour commencer les hostilités. Je m'en doutais. Alors, qu'est-ce qui se passe le 14 décembre 999 Alors, 996, 14 pardon. Décembre 996, c'est le moment où, alors évidemment, c'est une hypothèse, hein, où les ordinateurs, donc Cosmo et Renaissance... Ou et Rebirth, tu peux dire Rebirth, parce que les ordinateurs ont gardé leur anglicisme. C'est vrai, leur nom d'origine, exact. Donc... Cosmo et Rebirth ont été débranchés, a priori, donc une fraction de seconde. Ouais. Et donc, c'est dans cette nuit-là qu'a priori sont nés les bugs. Ouais. Il y aurait eu un moment donné où Cosmo et Rebirth n'auraient plus été alimentés en énergie dans la première base. Donc, je précise pour nos éditeurs qu'on parle bien sûr de la première base, celle à laquelle vous avez joué à Rennes. Donc, et à ce moment-là, comme plus d'électricité, on va dire, plus d'informations, et ça aurait masqué... Exact, et du coup, ça aurait masqué la présence des bugs, étant donné que les bugs sont nés au moment où, justement, les ordinateurs Cosmo et Rebirth ont été débranchés. Les bugs n'apparaissent pas dans l'ordinateur. Mais tu trouves ça crédible, toi, franchement ? À fond ! À fond, parce que Agnès Defenray est un grand connaisseur des ordinateurs, il adore ça, l'informatique, donc oui, évidemment, c'est crédible. Il semblerait que ce soit cette nuit aussi, autre hypothèse, que les quadrillas de Rebirth soient nés. Alors qu'est-ce qu'ils sont à la base, les quadrillas de Rebirth, par rapport aux bugs ? Alors, on parle toujours de la première base. Hein, oui, ouais, bien sûr. Les quadrillas de Rebirth sont, en quelque sorte, les frères. Frères ennemis, les némésis, comme on dit. Voilà, on va dire les némésis. Puisque au même moment en fait sont nés donc des informations dans l'ordinateur, informations qui seraient en fait les réplicants des bugs. Ce seraient nos alter ego dans l'ordinateur. Il n'y avait pas une histoire à l'époque, c'est hyper vieux, hein, mais d'As de pique ou un truc comme ça où chaque. C'est quoi cette histoire ? Si. C'est quoi oui, ça ? Entièrement c'est... d'accord. Si, je... C'était t'avais donné un nom. Au quadrilla, ah ouais. C'était à chaque fois un âge parce qu'on était quatre à la table, c'était pratique. Et oh en fait, là on là avait là tous là un quadrilla. C'est bien, ça allait exhumer les vieux dossiers comme ça. Je crois que même plus. Romaric ne s'en souvient plus, alors je vais t'offrir un petit peu bien. L'histoire de Flavie. C'est pas dans un langage geek, on peut dire que je la plus sois. Oh non. Oui, tout à fait. En fait, je me souviens de l'histoire. Moi, j'ai rencontré l'As de cœur, qui était donc mon frère quadrilla. Romaric ne s'en souvient plus, c'est magnifique, nous lui rappelons des choses. Oh merde. Donc là, les auditeurs ne voient pas, mais je suis rouge écarlate. Ritournelle scénaristique. Non, mais quand je disais, je sais plus, c'est dans le podcast sur la genèse où j'expliquais. Non, mais sans, c'est, si ça n'avait été que moi, ça aurait été nul à chier, les gens. Donc c'est vraiment mes joueurs qui ont fait ce jeu, la preuve, vous voyez, les quadrillas, c'était des as à la base. Non, mais c'est très intéressant et je vais même encore étoffer la chose. Parce que rappelons, donc on avait un côté très Saint Seiya prononcé. Oui, oh. Et donc il y a une bataille épique entre nous et l'As de Cœur, ouais. Où l'As de Cœur révèle tout à la fin que c'est finalement Kadria qui a fait l'effort en fait pour nous sauver. Kadria s'est sacrifié afin de nous sauver. Ouais, c'est très Saint Seiyesque, hein, on vous l'avait dit. Pardon, frère. Le truc de merde, putain. Donc voilà, donc les Kadria, des personnages très construits, très cohérents, avec qui dans la suite vraiment. Donc heureusement, ça a changé après. Oui, heureusement, hein, ça a changé. Excusez-moi d'avoir exhumé ce. Oh, c'est nickel. Ce lointain, j'ai dit, tu pouvais pas mieux commencer ce podcast. Je pense que là. Mais alors donc, ensuite, qu'est-ce que. Thomas, je te vois. Ouais, sur la fameuse nuit où les bugs sont nés, Tom. Toi, comment tu l'avais déjà interprété? Déjà, on commence l'histoire. Enfin, ils ont 5 ans. Alors oui, on commence en 1001. Donc le 3 janvier 1001, ouais. Pendant la bataille de la Nouvelle-Yorque. Tu as joué ton personnage, toi, pendant cette soirée-là? Je crois, ouais. Vous avez joué cette scène? Quand on est enlevé, quand on l'est enlevé à nos parents, je crois. Donc c'est la première fois qu'en tant que joueur, tu aperçois les quadrillas. Voilà. Tu te souviens un peu de ta première sensation en tant que joueur quand tu as vu les quadrillas pour la première fois? Comment ils étaient décrits dans la première, sur la première table? Moi, je m'en souviens pas du tout. Tu vois, ils sont en train de me dire l'as de pique et tout. Je m'en souviens pas du tout. C'était plutôt suggéré. C'est-à-dire qu'on en entendait beaucoup parler. Il y avait quelques descriptions, mais enfin, on n'en avait pas rencontré véritablement. Et comment dire, il y avait pas de quadrilla au pôle sud. Non. Donc voilà. À la base, non. Et donc, on n'avait pas quitté le pôle sud quand on était enfant. Et donc tout ce que l'on connaissait des quadrillas, c'était des rumeurs. Dans la scène du 3 janvier 1001, il n'y avait aucun moment où on les voyait. Moi, je les avais vus. Ma toute première scène, c'est celle où tu me l'as fait jouer. Et on regardait Évangélion à l'époque. Du coup, j'avais fait un truc un peu tragique à l'Évangélion où j'étais emportée et je voyais un quadrilla tuer mes parents. Je suis pas sûr. D'accord. Que ce soit bon de rappeler les souvenirs, les références, Saint Seiya, Évangélion. Bah, on sait jamais. De toute façon, jamais, je crois que nos auditeurs le savent déjà, Cédric. Que je ne renie absolument pas. C'est baisé, c'est là, baisé. J'adore, mais sans évoluer. Mais plus tard, du coup, comme j'avais précisé que j'avais vu celui qui avait tué mes parents, mais de loin, et que je m'en souvenais plus trop, t'as fait que ça devienne Météore. D'accord. Qui avait tué. Dont on aura l'occasion de reparler dans ce podcast. Qui avait tué mes parents devant moi, en fait. D'accord, ok. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au début, quand on a commencé, les quadrillas étaient vraiment des meurtriers, quoi. Il y avait ce côté un peu C'est exactement ce que je voulais dire, la première vision qu'on a des quadrillas, ce sont avant tout des instruments de mort. Ouais carrément. Ça, c'est... Non pas qu'on est dans Rebirth, hein. Renaissance. C'est vrai. Ouais, ça se voit rien qu'à la Nouvelle-Yorque. Hein. Blast. Bah oui, blast. Comment il blast, il tue tout le monde. Et, Moi, mon personnage a vu ses parents se faire tuer par un quadrilla. Avec Anastase, Anastase, tu as fait cette scène-là aussi? Ou non, tu as joué avec... J'ai joué avec une autre dame, mais tu nous as fait jouer aussi le début avec la Nouvelle-Yorque. Je ne me souviens plus si avec Anastase, tu avais fait faire ça. Oui, avec l'attaque de la Nouvelle-Yorque. Donc moi, ça, c'est un conseil que je donne au maître de jeu. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait ou pas, mais c'est de faire jouer cette première scène, l'introduction des quadrillas par les yeux d'un enfant, le bug... qui se retrouve du coup avec les parents, en fait, ses parents soit enlevés, soit qui sont d'ailleurs peut-être pas ses parents, mais en tout cas des gens qui leur tiennent la main, qui ont certaines attentions avec eux. Faut mieux pas trop dire que c'est des parents ou pas. Ouais, l'intérêt de la chose, après je te redonne la parole, désolé Pierre. L'intérêt de la chose, surtout des yeux d'enfant, c'est vraiment de faire voir les quadrillas comme des gros méchants. Voilà, des monstres. C'est vraiment des trucs, des monstres un peu difformes, on sait pas trop ce que c'est juste de la foudre qui blaste, c'est Cranisten qui tue Finlongfinger, bref, ce sont des monstres. Des monstres, et ça c'est important, quoi. L'idée de monstruosité d'enfant, de manière à ce qu'ensuite, les joueurs, lorsqu'ils vont plus approfondir l'histoire, vont avoir... C'est dès qu'en fait, les quadrillas, c'est peut-être pas des monstres finalement, quoi. Donc ça déjà, historiquement... Si, ce sont des monstres. Hein, mais ça arrive, cette démarche de penser que les quadrillas sont plus des monstres et peut-être autre chose, ça vient au fur et à mesure, voire même à la fin de Sens Renaissance. Sens Renaissance, ouais. Bon, donc, au début, on est content de pouvoir friter les tueurs de nos parents. Après acquisition de l'armure, les premiers quadrillas que vous aviez rencontrés en tant que joueur, en tant que personnage, est-ce que vous vous en souvenez? Ced, tu as une idée? Alors, premier quadrilla qu'on a rencontré, nous, c'était au Pôle Sud. Pôle Sud, direct d'entrée de jeu. Il a fait jouer un scénar, direct d'entrée de jeu. Si. Si, je crois c'est cette espèce de connard de quadrilla qu'on avait poursuivi dans le Pôle Sud. Et il prend l'apparence de... Il prend l'apparence d'un petit garçon. Ouais. Et donc, on le suit. Donc, moi, je reprends cette idée-là, parce que je trouve ça très marrant, le premier contact. Il prend l'apparence d'un petit garçon. En gros, il nous baise la gueule. Et à la fin, le but du jeu, c'est de le poursuivre dans le monde ombroïde afin de découvrir ce qu'est le monde ombroïde. C'est comme ça que tu nous as fait jouer le premier scénar. D'accord. C'est le premier contact. Et voilà. Mais d'ailleurs, il était décrit dans la première base. Cette rencontre était décrite dans la première base. Moi, j'ai le souvenir aussi qu'à la base, quand on a commencé à jouer, dans ma tête, donc c'était pas clair exactement ce qu'allaient être les quadrillas, mais une chose était sûre, c'est que c'était des créatures qui pouvaient se transformer en tout et n'importe quoi. Ça pouvait être une table, ça pouvait être une lampe de chevet, ça pouvait être quelque chose comme ça. Et donc c'est vrai que je me souviens. C'est un pouvoir que dans la première base, c'était intitulé mutation. Voilà, c'est ça. Alors je voulais pas trop aborder les trucs techniques. C'est vrai qu'on peut aborder les trucs techniques de la première base. Non, mais de la première base, on peut les aborder, quoi. Donc peut-être on verra ça plus tard quand on entrera plus dans le détail de jouer un quadrilla. De toute façon, maintenant ça n'a plus de sens. Non, outre la blague, c'est vrai que ça n'a plus de sens de parler de pouvoir, de mutation ou autre, vu que c'est le maître de jeu qui gère ça. Donc. Exactement. Donc pour remonter encore un peu plus dans la chronologie, donc les bugs rencontrent leur premier quadrilla. Alors là, vous, c'était un enfant au pôle sud. Toi, Flavie ? Moi, c'était graveur, hein, parce que je n'ai pas commencé avec vous directement. J'ai pris la table en cours. Ouais. Et moi, c'était graveur le premier qu'on rencontrait. Que j'ai rencontré, et c'était dans un ascenseur, et il y avait graveur juste au-dessus, et on n'était pas fiers parce qu'on ne pouvait pas sortir de l'ascenseur, et que on ne pouvait pas aller dans l'ombre monde parce qu'on savait qu'on allait se faire blaster, et donc il a bien fallu blaster graveur qui était juste au-dessus. Quoi. Ouais. Et repartait avec un rire strident. Nous allons faire un autre point référence, donc après Saint Seiya, après Evangelion, le graveur, je pense, a été inspiré par Dilando dans Escaflowne. Ah bon ? Puisqu'on avait ce personnage un peu fou, un peu attaché à sa beauté, avec une expression de folie, avec ce rire sardonique. Je pense que c'est toi qui a projeté du Dilando, non ? Je pense que c'est plutôt une manière. Si, t'as projeté Dilando parce que t'adorais ce personnage. Parce que le délire du fauteuil roulant et tout ça, ça venait vraiment. Alors, déjà, premier décor. Mais il y avait tous ces liens autour de la beauté aussi. Hein. Oui, c'est possible. Mais sachant mon attachement pour Saint Seiya, je pense que c'était plus en rapport avec le chevalier du poisson, Aphrodite déjà. Mais surtout, quand on regarde un peu le décor Aphrodite dans lequel. Aphrodite, graveur! Oui, le truc à l'attachement à la beauté, possible, etc. Possible aussi, Pierre, ouais. Il fait des signes, etc. Enfin bon, je rappelle que certaines. Oui, parce certaines que c'est personnes. Triste, c'est triste. Je rappelle que tu casses le mythe. Il n'a plus du tout de charisme. Grave, maintenant. Grave. Ouais. Ça tue je rappelle là. Quand même ça que certaines personnes ici sont poissons, donc c'est des choses qui arrivent. Peut-être parmi nos auditeurs aussi, et vraiment je m'excuse pour de leur rappeler ces souvenirs douloureux, mais le chevalier du poisson qui est tout pour rire, quand même ce délire, qu'il est attaché à son visage, à sa beauté, etc. Mais surtout, le personnage de graveur, vous êtes tous morts de rire autour, c'est super sympa. Pierre rit dans le micro, que nos auditeurs en profitent. Merci. Oh, c'est horrible. Non, attends. Le personnage de graveur à la base reste quand même inspiré massivement de Silent Hill. À oui, tous les niveaux. Tout à fait. Parce que tu retrouves le délire du fauteuil roulant, donc le squelette dans son fauteuil roulant, etc. Donc Silent Hill 1. Le délire de l'ascenseur, à la base, si le graveur il s'appelle graveur, c'est pas parce qu'il y a des statues dans les égouts comme dans la nouvelle base, mais c'est parce qu'il grave des noms de personnages sur des parois métalliques qui sont dans son bâtiment. Il y a tout le délire avec la tornade qui fait du coup passer le monde d'un état, on va dire, normal à un état complètement délirant et complètement fou. On est en plein délire. Il y a aussi le décor que tu nous as montré, où c'est du métallique, du vieux, du rouillé, c'est un peu sanglant même, c'est ça. Donc, je pense qu'à la base, il y a quand même d'abord du Silent Hill. Qu'est-ce que t'en penses, Seth? Non, t'as alors, pas l'air complètement convaincu. Le Silent Hill pour le côté fauteuil roulé, le fauteuil roulant, pardon. C'était pas un lapsus, nous ne buvons que du vin et de la bière. Et quand même, on est en Bretagne, hein, donc on se défend. Mais pour les bruitages aussi, hein, rappelez-vous, ouais, la musique. Admirablement le fauteuil qui grince. Très important ça, le bruitage. Entièrement. Également, également pour le côté folie là, dont tu parlais tout à l'heure, le graveur était présenté. Alors moi je me souviens et j'ai repris l'idée, le côté théâtral. Ouais. Parce qu'à l'origine, en fait, le graveur, quand on arrive, c'est un vaste amphithéâtre. Ouais. Et le graveur s'adresse à des milliers de personnes qui sont pour nous invisibles. au début. Et il a vraiment l'impression d'être le centre, d'être l'attraction en fait, de cette pièce de théâtre. Ouais, ça c'est vrai que c'est un fait assez important à souligner pour Graveur. C'est que c'est un gars qui est censé jouer la comédie. On ne sait pas encore trop de quelle comédie il parle, de quoi il en retourne. Mais à la base, vu que les quadrillas sont décrits comme des personnes qui n'ont pas de sentiments, parce que dans la première base, c'était ça le délire, c'est que logiquement, les quadrillas étant des machines, entre guillemets, parce qu'on ne savait pas exactement quel genre de machine ce serait, sachant que l'histoire, évidemment, se créait un petit peu au fur et à mesure des scénarios, etc., ils étaient censés ne pas avoir de sentiments. Et donc, Graveur, lui, simulait le fait d'en avoir. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté acteur. Bah, c'est vrai qu'en fait, dans la base, même dans la première, quand on a joué la première fois, il y avait deux quadrillas et demi. Il y avait le graveur et Kranisten, et puis il y avait la moitié, enfin un météore. Quoi, parce que je dis bien la moitié, c'est pas discriminatoire. Météore, je pense, c'est un personnage qui vient beaucoup plus tard. Voilà. D'ailleurs, Météore n'a trouvé son nom, son vrai nom. C'est Flavie qui le lui a donné, dans une circonstance sur laquelle on reviendra plus tard. Parce qu'on va les passer chacun en revue, bien sûr, à un moment donné. Ah, je me rappelle la circonstance, j'ai un peu honte. Mais voilà, on va les rappeler. Parce que bon, voilà. Mais en tout cas, Météore, au début, n'intervenait presque pas. En fait. Presque pas, mais c'est vrai que comme il a apparu à la fin et que ça a été un personnage emblématique. C'est devenu. C'est pour ça que je dis 2,5, mais sinon, c'est le graveur et Kranisten. Et le graveur, c'est quand même le premier quadrilla qui nous qu'on a fait rencontre. Peur. Quoi. Voilà, c'est clair. Parce que le quadrilla, là, qu'on a rencontré au Pôle Sud le premier, on lui a foutu une dynamite dans le cul et s'est évaporé. Mais le graveur, c'était pas une dynamite qu'il fallait. C'était vraiment c'était quand même, ça que vous avez fait. C'était quand même 4 bugs. Ah ouais, je crois que ça a été gore. Ouais. C'était peut-être pas une dynamite dans le cul, mais non, ça a été raconté tel quel, mais on a eu, on a pas eu trop de mal à le défoncer. Par contre, le graveur, c'était quand même une autre paire de manches. Quoi. Donc c'est vrai que historiquement, le premier quadrilla qu'on rencontre, c'est avant tout au Pôle Sud. Mais le premier véritable quadrilla qui porte un message fort. Pour ces personnages, ce sera Graveur. Quoi. Clairement, c'est l'entrée en matière dans la thématique du quadrilla en général. Ensuite, on avance un petit peu dans l'histoire. On se retrouve avec les fragiles, en fait. Donc, de nouvelles créatures qui arrivent. Et puis, donc, on va dire la fin de Rebirth. Un combat avant, tu veux peut-être parler de Aqua City, Pierre. Quand même, Aqua City, c'est là où... Où on rencontre la plupart des quadrillas, à un moment où on suit une enquête et puis on découvre que les quadrillas sont. Aqua City, ils ont encore l'allure des méchants, je trouve. Ils ont encore ce petit côté. Oui, mais au moment où Cédric. On pense qu'ils vont nous tuer ou autre, ils font quand même un revirement de situation qui fait que, non. Ils s'en vont. Bon, à mon avis, quand même, la manière dont ils interviennent à Aqua City comme des gros bourrins pour attaquer la résistance, ils semblent encore à ce moment-là être des ennemis. Hein. Enfin, c'est vrai. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Aqua City, moi, je pense que Pierre a raison. Et tout simplement parce qu'en fait, Aqua City, c'est la période du doute. C'est-à-dire qu'on voit les gros mecs qui débarquent et tout. On voit quand même Kranisten qui est là. C'est le mec qui a défoncé Finn Longfinger. Hein. Je veux pas être méchant, 4 bugs normalement ne font pas le poids. Ouais, et pourtant, qui a détruit la Nouvelle York aussi. Qui a détruit la Nouvelle York quasiment à lui tout seul. Enfin voilà, avec ses petits copains, mais clairement ils servent à rien. Ouais. T'as Kranisten et 3 clodos qui débarquent à Aqua City. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent le général Gladius Sword. Ouais, et ils se barrent. Ouais, c'est vrai. Hein. Et ils se barrent. Alors qu'ils auraient pu anéantir la cité. Ouais. Donc c'est quand même la première période de doute. Avant c'était les gros méchants. Maintenant, on se demande, d'accord, c'est des gros méchants, mais soit ils sont vraiment intelligents parce qu'ils ont une stratégie derrière, soit finalement, ils sont peut-être de notre côté. Quoi. Donc là, y a toute la période de doute. Et puis à la fin, on va dire à la fin de Renaissance, la période où là, cette fois-ci, les quadrillas se montrent à visage découvert avec l'attaque de Kranisten sur Longfinger. Il n'y a pas longtemps, sur le forum, j'expliquais que parce qu'il y avait quelqu'un, donc un joueur, un maître de jeu, qui se posait la question, il se disait, mais moi, mes joueurs doutent tellement sur les quadrillas qu'ils n'ont pas envie de donner l'assaut à Berlin et à Paris. Ils se posent la question, ils se disent, on va pas les attaquer parce qu'ils sont cool. Donc, moi, j'ai envie de dire à ce maître de jeu que de toute façon, il peut avancer dans l'histoire, que Berlin et Paris, les joueurs peuvent suivre de loin. De toute façon, ils vont avoir envie d'aller sur la cité, ça c'est clair et net. On ne sait pas si oui ou non, ils vont se friter du quadrilla. À ce moment-là, ils apprendront par rumeur que les quadrillas se sont retournés contre l'Empire, ce qui confirmera leurs doutes. Ils pourront alors rentrer dans Berlin et Paris en sachant que les quadrillas vont se retourner, voire même peut-être sont déjà en guerre contre l'Omicron. Donc il y a eu déjà de nombreuses pertes physiques. Les quadrillas ont déjà perdu de nombreuses personnes. Et puis, ils se posaient la question, c'est pour Finn Longfinger. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Kranisten et Finn Longfinger vont se battre ou non? À mon avis, il faut bien partir de l'idée que Kranisten, quand il se bat à Paris et à Berlin, c'est pour se suicider. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric? À mon avis, il part au suicide, quoi. Alors, Kranisten part au suicide, ça c'est clair. D'une, parce qu'en plus, dans la première base, Kranisten ne voulait pas tuer Finn Longfinger, ne voulait pas le blesser grièvement. Ouais. Rappelons, Finn Longfinger a été détourné du combat par la lumière qui était projetée en haut de Solipsis. Donc ça, c'est encore une fois dans la table. Dans la première base, ouais, première d'accord. Base, c'est comme ça. C'est ce qu'on nous a raconté. Ouais. C'est encore une fois une scène très Saint-Seiyesque au final. Hein. Oui. La lumière de Solipsis qui arrive. Et du coup, Finn Longfinger aveuglé ou qui se retourne. Non, par contre, je crois que même dans la nouvelle base, c'est précisé qu'il se retourne. Bah, c'est précisé, suite à l'appel d'une femme. Il entend. En fait, on ne sait pas. Ouais. Quand on commence, et on voit qu'il entend quelque chose, il répond « Oui, je suis là oui. ». Il se retourne, pile au moment où Kranisten envoie un grand pouvoir, et ce qui explique pourquoi Finn Longfinger se fait happer par le pouvoir là. Ouais. Alors moi, par contre, je ne serais pas d'accord avec toi, Cédric, quand tu dis que Kranisten ne veut pas tuer Finn Longfinger. Il veut le tuer à la Nouvelle-York. Tu as peut-être confondu avec Glaive du Sword, je me demande. Non, parce que vraiment, Kranisten veut tuer Finn Longfinger à la Nouvelle-York, parce qu'il est convaincu que le Finn Longfinger qu'il combat est en fait l'ombre Finn Longfinger qui a terrorisé les quadrillas de Rebirth dans l'ombrement. Là, je me demande pas si tu... Comment dire ? Non, si c'est tu sûr. Tu parles pas d'une autre... Et je vais même te donner une deuxième raison. C'est vas-y. Que le moment où Kranisten va se retourner contre Miphos et dire « Non, Miphos n'est pas mon dieu », et ça, c'est même dans la première base, c'était déjà le cas, c'est le moment où il croise Solipsis pour la première fois et où il reconnaît en Solipsis l'incarnation de la ruine de vie. Mais à aucun moment sinon, avant, les quadrillas sont toujours en défense de l'Omicron et ils veulent blaster la gueule aux résistants parce qu'ils sont convaincus que les résistants de l'ombre monde, les résistants qui sont là, les ont terrorisés. Alors ça, c'est la raison que je donnerai après. C'est vrai que ce n'était pas vraiment présent dans la première base, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la première base, dès le début, c'était Kranisten se retourne à partir du moment où il rencontre celui-ci. Alors d'accord, c'est vrai, clair. Mais moi, ce que j'avais retenu, après, c'est peut-être mes souvenirs qui me font défaut, hein. Mais c'est qu'en fait, Kranisten éprouvait un sentiment de culpabilité d'avoir blessé grièvement. Oui, tu confonds avec Glaive du Sword. Longfinger. Non, Finn Longfinger, c'est bien on parle bien du combat à Berlin. Ouais. Et moi, c'est ce que j'avais soutenu. Berlin tu veux dire à New York, à Nouvelle-York. Non, le deuxième combat entre Kranisten et donc Finn Longfinger. Moi, ce dont je m'étais rappelé. Ah, d'accord, tu parles du deuxième combat. Oui, je parlais du deuxième combat. D'accord. Et donc, ce que j'avais retenu, c'est que Kranisten avait expliqué à Finn Longfinger que voilà. Il ressentait un sentiment de culpabilité parce qu'il ne voulait pas en arriver là au premier. Ah, combat. D'accord, c'est ça. Tu dis qu'en fait, si Kranisten se bat contre Finn Longfinger, c'est parce qu'il culpabilise. D'où je te rejoins oui, sur le fait qu'il veut se suicider. Voilà, et là, je suis d'accord avec toi. D'accord, ok. Ah oui, j'avais pas compris. Je croyais que tu disais au début, en fait, au premier combat à la Nouvelle-York. Parce que là, premier combat à Nouvelle-York, Kranisten est convaincu qu'il faut blaster. Finn Longfinger. Je me suis mal exprimé, autant pour moi. D'accord, ok. Et je voulais donc répondre à la question là, qui a été évoquée donc, il y a 5 minutes. Donc, ouais. Pour les joueurs. Non, mais. De jeu Ouais, pour les joueurs qui ne veulent pas aller friter à Berlin. Ouais. D'accord, mais c'est bien de se poser des questions, mais il y a un moment, faut pas oublier que d'une, ils ont quand même rencontré des quadrillas assez manipulateurs jusque-là, oui. Que derrière, c'est quand même le maître de la stratégie. Donc entendre des rumeurs comme quoi les quadrillas sont retournés contre l'Empire, c'est bien gentil, mais ça doit pas les empêcher de friter. Hein. C'est vrai que c'est pas con ça, tiens, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai qu'il faut se dire que c'est quand même les serviteurs de Miphos, donc ils peuvent peut-être être entraînés effectivement à la manipulation. Mais bon. Voilà quoi. Après, les joueurs sont pas non plus forcément censés savoir. Non, mais on blaste et c'est tout. C'est Agonis qui parle. Ouais. Avec des questions. C'est Agonis qui parle. Un coup de lance. Exclusivement. C'est Agonis quoi. C'est quoi la stratégie ? On bourre dans le tas. Bon, en tout cas, Kranisten clairement, lorsqu'il attaque Finn Longfinger à Berlin, à mon avis, il cherche à se suicider ou en tout cas à se faire pardonner, ouais, comme tu disais, par culpabilité. Et donc, de toute façon, il attaquera. Maintenant, il peut survivre Kranisten ou pas ? Pierre, qu'est-ce que t'en penses à ta table ? Tu penses qu'un Kranisten, ça peut survivre pour la suite de l'histoire ? Il se pose la question, Adrien. Difficilement. Moi, pour moi, non. Non, il est obligé de mourir. Ah oui ? Ouais. Moi, je lui ai dit qu'il pouvait survivre. Ça peut être même. Par contre, qu'il aille pas sur Séléné après. Je pense que tu sais, ça fait un peu comme les chevaliers d'or qui restent en sanctuaire quand on envoie les deux. Mais alors, à quoi bon le faire survivre à la fin de Rebirth s'il n'intègre pas l'histoire après ? Bah si, parce que tu peux toujours venir lui rendre visite, venir t'entraîner avec Papa Kranisten. Ouais, mais moi, je pense pas qu'il doive survivre. Il fait partie, en fait, de ces aides qui doivent, malheureusement mourir. Payer le prix du sacrifice pour rendre l'histoire intéressante. Moi, tu penses pour Météor, par exemple Météor, faut qu'il survive, parce que sinon, non, je peux non, pas Non, mais je veux dire, pour lui. Météor, mais il doit mourir, quoi. Ouais. Pour le personnage de Météor, c'est mieux que Kranisten Pour permettre de donner au quadrilla, dans la suite, un leitmotiv. pour que les pour qu'ils aient quelque chose à venger, pour qu'ils aient quelque chose à combattre. Ouais, Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Tu disais que tu avais l'air d'être révolté un peu. Je me vois mal aller visiter Cranistan, la maison de retraite sur Terre. plutôt intégré dans l'histoire de sur Mars, plutôt. Sur Mars, à ce moment-là? Le faire revenir sur Mars? Complètement. Tom Pouce, il n'est pas là, mais c'est ce qu'il proposait aussi. Donc pas sur Sélénée, mais sur Mars. Et pourquoi ne pas faire remplacer Météor, alors? Ça par pourrait Cranistan. Être un gros combat. Ouais, non, moi, je ne pense pas. Je pense Météor a son rôle à jouer. Ouais, je pense aussi. Indépendant. Je pense vraiment. Faut pas que ce soit Cranistan, parce que là, enfin, je sais pas. Mais moi, je suis assez d'accord avec les deux Thomas là pour le coup. Le faire revenir sur Mars, ça me paraît pas mal. Bon, après, faut pas lui faire bourriner tout le monde. Mais c'est pour ça, moi, que je le disais. Je disais, Adrien, autant le laisser sur la Terre, en fait, en protection de la Terre. Avec Thomas Pousson, on se disait, ouais, c'est bien sympa, les bugs, ils partent sur la Lune et tout. Mais c'est vrai que derrière, sur la Terre, il y a plus personne pour protéger la Terre. Si Miphos décide de contre-attaquer, il peut prendre la Terre en deux temps trois mouvements, a priori, quoi. Donc enfin, on apprendra après que c'est pas dans l'intérêt de Miphos. Non, tout à fait. Mais bon, attention, pas de spoiler. Mais par contre, sinon, enfin, je suis aussi d'accord avec ce que disaient Pierre et Fly. Enfin, voilà, Cranistan, tu joues comme tu veux. C'est vrai que ça peut être vu comme un symbole du sacrifice. Ouais, tout à fait. C'est ça, quoi. Enfin, voilà. Puis le mec, enfin, il a envie de crever. On va pas l'empêcher, quoi. Ouais. Et sinon, bah, tu peux le faire revenir sur Mars. Tu fais ce que tu veux, Adrien. Ouais, tout à fait. Il peut le faire jouer. Comme moi, enfin, en tout cas, non, mais faut comprendre aussi, c'est que bon, vous êtes bien gentil à dire tu peux faire ce que tu veux, Adrien. Oui, vous avez fini le jeu, donc forcément c'est facile de se dire bah, lui, mets-toi à la place d'un lecteur qui découvre le jeu. Il peut se dire ouais, attends, est-ce que ça va pas faire une contradiction qu'il ait survécu? Si ça se trouve c'est le grand méchant, on le sait pas. S'il meurt pas et qu'il est à côté de mes joueurs pendant tout le truc, je vais être incapable de tenir le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, c'est quand même important qu'il meure parce que c'est aussi ce qui déclenche un peu l'élan de sympathie réelle pour les que ressentent les joueurs pour les quadrillas. Ouais. Flûte, en fait, Cranistan, il était cool, c'était un gros perso, on l'a suivi, au final, on s'y est attaché, et il meurt, il peut presque mourir dans tes bras, et ça te donne cette envie-là. Thomas. Oui, mais enfin, le sacrifice de Cranistan, ça préfigure un petit peu le sacrifice de tous les quadrillas Rebirth. C'est peut-être un petit peu dérangeant, je trouve. C'est-à-dire que ça met, dans la tête des quadrillas Rebirth, peut-être la volonté de... Bah de se sacrifier, en fait. Quoi. Ouais. De sacrifier. Et c'est peut-être pas le destin de tous les quadrillas de Rebirth. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un. Alors, justement, est-ce qu'on va parler que des quadrillas de Rebirth dans ce podcast? Je pense que nos éditeurs pourront comprendre, parce que les autres, ce serait l'enfer. Alors, justement, je pense que ça fait une bonne transition. Thomas, donc, qu'est-ce qui t'a motivé dans l'idée de jouer un quadrillas de Rebirth? Pourquoi tu t'es dit, ouais, non, je vais jouer ça? Ouais. Ah non, c'est moi qui t'ai imposé. J'ai pas eu le choix. D'accord, ok. Ouais. Alors, et qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que mon personnage meurt à la fin de Rebirth. Ouais. Et je ne t'ai pas proposé le choix à ce moment-là. Tu peux, si tu veux, plutôt que mourir, tu vas devenir quadrilla. Si, moi, je crois que c'est... Enfin, bon. Mais c'était une bonne chose. Bonne chose. Alors, qu'est-ce que t'en... Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu as fait? On a choisi un autour de la table pour devenir un Rebirth. Ouais. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais il me semblait pourtant t'avoir proposé. Ouais, je crois, ouais, peut-être. Ouais. C'est-à-dire que ton personnage, Bug, meurt dans le combat contre Cranistan. Ouais, ça serait peut-être bien que Thomas explique en fait comment il est devenu déjà. C'était cadrière, parce que t'étais celui qui avait le plus de cosmos autour de la table. Alors, non, je crois pas que ce soit le cas. Attends. À la table, si, je pense. À notre table, c'était celui qui avait le plus de cosmos. Mais est-ce que ça le prédestinait à devenir un quadrilla de River? Je suis pas sûr. Non. Moi, je crois pas non plus, mais bon. Je sais pas. Mais la transformation. Je sais pourquoi. Hein. Parce que tu avais un archétype. À l'époque, il y avait des archétypes de perso. Voilà, c'est pour ça. Et qu'il avait pris l'archétype voyageur. Voilà, et à l'époque, l'archétype voyageur, c'était l'archétype de ceux qui aimaient aller dans l'ombre monde et développer des pouvoirs de l'ombre monde. Carrément. C'était ça. C'était pour ça que tu étais devenu quadrilla. Bon, maintenant, il faut savoir qu'on ne peut devenir quadrilla dans le sens que dans les tornades, me semble-t-il. Oui. Ouais, c'est. Même à l'époque. Mais ouais, mais non, parce que là, quand Cranistan meurt, il y a pas de tornade à cette époque-là. Non, là, moi, je t'avais proposé le truc. Avait commencé avant. C'est au scénario de la tornade que je deviens. Enfin que. Est-ce qu'on peut parler de la transformation un petit peu justement, Thomas? C'est donc on ne peut devenir quadrilla qu'après un court passage dans la tornade. D'accord. Ouais. Et ensuite, la transformation se fait assez progressivement. Ouais. Et voilà, c'est. C'est dans le scénario. Attention de la tornade. À ton micro, Thomas, tu t'éloignes. Ouais. Scénario de la tornade. Ouais, d'accord, ok. Et donc, je vous entends chuchoter là, les deux zigotos là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Pierre avait une question assez intéressante concernant le virus d'Icil. Donc, vas-y, Pierre. Ouais, une question très intéressante. Pierre. Moi, j'ai toujours pensé, en fait, au début, je pensais que c'était le virus. C'était le virus qui te faisait. Beaucoup de gens le pensent. Hein. Qui te faisait muter vers le l'état de Kadria. C'est une possibilité. Il y a des. C'est une... Il y a un X-bug. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Hassan, de ces histoires de virus ? C'est une possibilité parce que le virus dans la nouvelle version est quand même commandé, est une fusion entre les recherches de Neméo et les recherches de Graveur. Oui. Donc, c'est vraiment une possibilité que ce virus soit. Après, c'est. A priori, ça n'a aucun rapport. Oui. Enfin, avant, en tout cas, dans votre base, à l'époque, à la table de Rennes, ça n'avait aucun rapport. Ouais, je pense que pour qu'il y ait une transformation aussi spectaculaire, il faut qu'il y ait une espèce d'état intermédiaire entre les deux mondes. Et ouais. la tornade, c'est justement, c'est cette espèce d'entre-deux qui permet cette transformation. Il faut que ce soit spectaculaire. Carrément. Moi, spectaculaire, je ne sais pas dans quel sens tu l'entends. Et puis, on ne devient pas Kadria, ce n'est pas une maladie, hein, ce n'est pas un virus qu'on chope. c'est un changement profond. C'était un virus qui était fait à base de Kadria. Il faut voir qu'un Kadria n'a pas d'image dans le monde réel, n'a pas de simulacre dans le monde réel, et inversement. Et donc, c'est un changement, c'est-à-dire c'est un passage. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir un passage d'un monde à l'autre. Bon, après, j'imagine que nos éditeurs savent déjà ce qu'est un Kadria, que c'est vraiment plus pour approfondir, mais bon, c'est vrai que c'est important de le dire. C'est-à-dire que le bug est né dans la réalité, mais pas dans l'ombre monde, et le Kadria est né dans l'ombre monde, mais pas dans la réalité. Voilà. Donc, devenir un Kadria, ça signifie perdre sa réalité au profit d'un personnage qui sera un nombre personnage. Après, il faut choisir quel monde on veut voir exister. Quoi. Alors là, tu lances le pavé dans la mare, Thomas. Donc toi, ton personnage, Marius. C'est-à-dire que le monde Android, c'est un monde assez imparfait, on va dire. Beaucoup plus imparfait pour les non-Kadria, mais pour les Kadria, ça ne l'est pas suffisamment. D'accord. Pas comme l'est le monde réel, le monde des joueurs. Et beaucoup de Kadria ont la fascination du monde, du monde des bugs. Et il y a toujours cette ambivalence quand on joue un Kadria de savoir à quel monde on appartient et quel monde on veut vouloir survivre et voir survivre à la Grande Guerre quoi. Alors comment ça fait quoi? Enfin, on parle toujours d'histoire bien sûr. Il peut y avoir de la trahison. On peut compromettre un certain nombre de missions. par exemple, des Kadria peuvent même Rebirth peut être influencé par d'autres Kadria. D'un autre genre, par exemple, s'il en existait. Carrément. Et il peut y avoir des alliances entre Kadria de nature différente. Carrément. Parce qu'ils sont tous issus du monde Android. Ouais. C'est le truc qui les réunit, justement. Pour que le monde Android devienne complet, il faut que tous les Kadria soient réunis. Ouais. Et si les Rebirth manquent, c'est fini. C'est clair. Là, Thomas, tu viens vraiment de. C'est-à-dire que soit ils ont des buts différents, que ce soit qu'on soit Cosmo ou Rebirth, on a un but différent. Les Deaths également, mais il y a un truc qui les réunit, c'est qu'ils viennent tous les deux de l'ombre monde. Et ça, c'est un peu comme le sang dans une famille, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui les soude vraiment, quoi. Alors, Cédric, je te vois faire d'agrément. C'était les boules de jouer avec Marius à la table. Pendant jusqu'au bout de la chronique, on ne saura pas, il trahit, il ne trahit pas. En tant que commandant, ça a été chaud à gérer d'avoir un quadrille à la table. Ça a été chaud à gérer, mais en fait, on a pu remarquer qu'il y avait des liens qui étaient plus forts que le lien du sang, justement, que tu exprimais tout à l'heure. Le lien du monde, le lien ontologique. Le lien ontologique, c'est ce que tu préfères, mais pour nous, ce qu'on appelle couramment le lien du sang. Hein. Ouais. Mais c'était l'expérience. Et forcément, plus tu vas faire des combats avec quelqu'un, tu vas partager des moments sympas ou autre, bref, plus tu vas vivre le quotidien avec quelqu'un, et plus il va être difficile pour la personne en question de trahir l'autre. On ne dira pas pour la suite des bouquins, on ne dira pas si Marius a trahi ou pas. Mais en tout cas, il y avait cette problématique-là qui est apparue clairement. C'est pour ça qu'il est très compliqué de jouer un. Qu'est-ce qui te donnait envie de passer, On ne dira pas si tu es passé ou pas, mais qu'est-ce qui te donnait envie de passer chez l'ennemi, exactement. On peut dire ça aussi. Jouer un Kadria, ça complexifie beaucoup les choses. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant, je trouve, que jouer un simple bug. D'accord. Simple bug. Ah, écoutez-le, parlez des bugs. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, dans la mesure où mon personnage était désespérément amoureux d'un Kadria, évidemment. Et la question se posait de savoir si moi, j'avais vraiment envie de débrancher les ordinateurs, puisque ça m'aurait obligé à débrancher mon petit ami. Alors ça, c'est le deuxième aspect. Ça, on ne sait pas trop. Et du coup, moi, je me suis posé la question pendant longtemps en jouant mon perso, est-ce que oui ou non, je les débranche? Est-ce que vraiment ça va se passer comme ça quoi. Donc Bon, je dirais pas ce que mon perso fait, mais mon perso se pose vraiment la question. Est-ce que, oui ou non, j'ai envie que Météor disparaisse? Est-ce que, oui ou non, j'ai envie que mon meilleur ami disparaisse? Parce que tu étais quand même mon meilleur ami, quasiment, quoi. Alors donc ça, du coup, c'est quand même une autre question. C'est est-ce que, quand on détruira les ordinateurs... Alors, Thomas, je te vois faire la grimace, vas-y. Ouais, j'allais la poser, la question. Est-ce que atteindre le Cosmo Rebirth, débrancher les ordinateurs, ça entraîne la disparition des quadrillas, ouais, ou des bugs, je sais pas. Mais ça, c'est la question que tu vas... J'en sais rien. Ou des bugs. Et où des bugs, bah, ils ont l'air quand même liés. Comment ça? Bah, ils sont en miroir, explique-toi, l'un de l'autre, je ne sais pas. Ils sont tous les deux issus de, d'une défaillance, ou si c'est une défaillance, on ne sait pas trop ce que c'est, de, ouais, Cosmo Rebirth. En tout cas, clairement, la thèse que Cédric évoquait... C'est du pipeau pour les joueurs au départ. Enfin, je pense. C'est, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien du tout. Enfin, faut le dire. Enfin, les maîtres de jeu qui nous écoutent... Ouais. Ne... Tant bien que mal, Solipsis essaie de l'expliquer au départ, mais... Ouais, mais elle n'y arrivera pas. Enfin... Alors, donc, justement, est-ce que le débranchement de Cosmo Rebirth, c'est que la disparition des quadrillas? Tu disais tout à l'heure, ou des bugs, peut-être. Ou des bugs, mais moi, on ne peut rien dire, parce que, ouais, c'est tout l'intérêt. Il faut jouer jusqu'au, mais, bout pour savoir. Je pense vraiment qu'il faut, et le maître de jeu doit tenir au fait que... Ceux qui doivent vraiment se poser la question de leur existence, c'est les quadrillas. Et justement, il y avait une question là-dessus, sur la manière dont les quadrillas survivent. Comment les quadrillas survivent? Cédric? Ouais, non, tu avais autre chose, alors, à dire, ouais, avant. Je suis désolé, j'avais, ouais, une, ouais, vas-y, petite, petite remarque à faire. Il n'y a pas, c'est-à-dire, de plan ce soir, c'est free, c'est open free. Okay, on discute, bon, bah, librement. C'est free, impeccable. J'avais plutôt une question qui me titillait, à savoir si on débranche les ordinateurs. Ouais. Le monde des ordinateurs, donc, créé par Cosmo et Rebirth, enfin, en tout cas c'est posé comme ça. L'ombre-monde. L'ombre-monde, hein, tout simplement, ouais, ouais, va disparaître. Mais ce qui est marrant, c'est que jusque-là, on s'est posé la question de savoir si les bugs allaient disparaître avec, mais on ne s'est pas posé la question de savoir si le monde, qu'on appelle le monde réel, allait disparaître lui aussi. Parce que du coup, ça pose une autre question. Le bug aura plus de mal à débrancher les ordinateurs, sachant que eux, plus leur monde va disparaître, tandis que si les bugs disparaissent, finalement, on n'en a rien à carrer, puisque le monde réel va survivre. Ouais. Ouais, non, mais ça, justement, c'est le truc. C'est, à mon avis, il faut vraiment que le maître de jeu insiste pour faire comprendre aux joueurs que les bugs, dans la réalité, ne sont pas menacés, ou en tout cas, on ne sait pas, d'accord ? Mais par contre, les quadrillas sont clairement menacés. Si les bugs ou les quadrillas éteignent Cosmo Rebirth, il faut que les quadrillas se sentent menacés par ça. C'est toute la tension du personnage du quadrilla. Et en plus, histoire de bien compliquer les choses, c'est un quadrilla de vie. Donc, il sait que sa cause le mène forcément à éteindre des ordinateurs qui seront peut-être la cause de sa mort, en fait. Et c'est ça le paradoxe. Et de la mort de tous les autres quadrillas. De la mort des autres quadrillas, ouais, clairement. C'est-à-dire que c'est le quadrilla de vie, parce qu'il défend la vie réelle, qui doit combattre la vie de ses congénères, quoi. Alors, l'origine... Ils ont un lien certain avec Solipsis. Clairement. Bon. Maintenant, quelle est la position de Solipsis vis-à-vis de ça? Vis-à-vis de ça et vis-à-vis des quadrillas dont elle est à l'origine. À aucun Est-ce moment. Est-ce que c'est une armée qu'elle a mise en place pour ses propres... Pour éteindre les ordinateurs? Voilà. Est-ce qu'elle ne les envoie pas à la mort? C'est ça la question que tu te poses. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que... Paradoxe certain là, chez Solipsis, là. on sent bien que Marius quand même est bien engagé mais en même temps, est-ce que tu avais de l'admiration en tant que joueur? Beaucoup. Pour Miphos ou pour Solipsis? Alors, Solipsis. Vas-y. Pour Solipsis. Pour les deux. Mais je pense qu'ils ne sont pas ils ne sont pas incompatibles, pas plus incompatibles que Solipsis et Finanfinger. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? D'ailleurs sans trahir les débuts de l'histoire d'amitié qu'il y avait entre Solipsis et Miphos, ouais, dans leur enfance. Oui, ça je crois que voilà. Les maîtres de jeu le savent, de toute façon. Il y avait une amitié. Là, c'est tout à fait clair, plus que de l'amitié même. Donc là, c'est tout à fait clair. Pendant leur jeunesse. Je pense que ce que veut dire Thomas, c'est que on peut, en tant que quadrilla, avoir autant d'admiration pour Miphos que pour Solipsis, ouais, parce que leurs objectifs ne sont pas aussi incompatible qu'on voudrait bien le croire, ouais, au final. D'accord. Et puis, okay, rappelons que les ordinateurs s'appellent Cosmo et Rebirth. Hein. Ouais, c'est clair. justement, mais non, mais bon, voilà, on sait très bien que de toute façon, toute la quête de Solipsis, c'est de défaire ce qu'elle a fait par, selon elle, erreur. Enfin, je sais pas, c'est... Bon, à mon avis, c'est de la culpabilité, elle aussi, qui la tient. Quoi. D'ailleurs, Christophe disait que ça l'énervait dans le sens tous ces persos qui agissent par culpabilité. Oh, ma culpabilité. Oh, mon humanité, vampire. Ouais, enfin, bah, bref. Peut-être parce que c'est ça, la vie, dans le sens où nous, on l'entend, est remplie de regrets. Je ne sais pas si vous regardez des films ou des téléfilms à la con, mais à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il se sent toujours coupable de quelque chose. Alors, il regrette de ne pas avoir dit adieu à son chien qui est mort il y a 18 ans, ou alors il regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants. Bref, la vie, comme on l'entend tous les jours, c'est du regret. C'est normal que tes personnages soient hantés par la culpabilité. Bah, je sais pas, après, voilà quoi. La vie de tous les jours, c'est du regret. Bah, dis donc, t'es pas vraiment drôle comme garçon, quoi. Non, mais ce que je donne, c'est la définition commune, quoi. Oui, voilà. Commune. Qu'on trouve dans les séries. Ah bon ? Ce qu'on trouve dans les séries. Dans les séries. Oula. Dans les séries, ouais, dans les séries américaines. Mmh. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Merci, Flavie. Attention, on déconne pas avec Flavie. Hein. Donc, alors, sur les quadrillas de vie et les relations qu'ils entretiennent avec Cosmo et Rebirth, est-ce que ça a influencé beaucoup ton roleplay quand tu jouais, quand même ? Ouais, énormément, évidemment. Ah oui, c'était le cadre. Et donc, parce que toi, tu étais plutôt quelqu'un d'assez effacé à la table. Mais en fait, j'ai toujours hésité. Et j'avais d'ailleurs, au niveau des runes, ouais. Cosmo et Rebirth, vraiment à égalité. À égalité, quoi. Ouais. Ouais, ça, c'était important pour toi. Quoi. Ouais. Mais petit à petit, peut-être pas dans Rebirth, mais après dans les autres, on comprend peut-être un petit peu mieux les dessins de Miphos Kadria. Ouais. Ce qu'il veut faire, ce qu'il veut entreprendre, la vision qu'il a du monde. Ouais. Du coup, ça. Et voilà, on relativise pas mal les choses. Mmh. Et on est plus nuancé. Plus nuancé après. Donc, on a parlé des relations que Cédric entretenait avec ton personnage. Ouais. On revient un petit peu sur les relations que Flavie entretenait avec le personnage de Météor, par contre. Ah Météor. Donc, déjà, c'est toi qui lui trouves son nom. Ouais. Je sais plus comment tu l'avais appelé. Est-ce que c'était un bon sens mort ? Non, j'ai jamais. Après ça. On y vient après ça. On y viendra après. Donc, Déjà, à la base, moi, quand j'ai appris que les tout le côté tragique des quadrillas, moi, je t'ai demandé une histoire d'amour avec un quadrilla. Qu'est-ce qui te plaisait dans l'idée de jouer une histoire d'amour avec un quadrilla ? Parce que ça allait forcément m'amener à poser des questions. Je vous vois rire. Mais non, c'était parce que ça allait forcément amener des questions. Non, des mais questions... Le coup classique de la princesse qui tombe amoureux du clodo. Ou du crapaud. Hein. Des brigands. Oh là là non, là des... Ah, pas des brigands. Tu gagnes un point d'immersion, Cédric. Mais encore j'aime agoniste. Les gentils vauriens. Non, c'était plus parce que ça allait pas porter une vraie profondeur sur qu'est-ce que je veux faire ou pas sur les ordinateurs. D'accord. Est-ce que je vais être obligée de les débrancher ou pas ? Est-ce que ça allait m'apporter un questionnement philosophique important qui était bien, il me semblait, pour la suite de l'histoire. Donc toi, tu voulais encore plus triper sur l'aspect quadrilla. Oui. Et puis ça rejoint un petit peu les questions aussi qu'on a eues sur le forum. Justement, à propos de la sexualité des quadrillards. Oui, car il faut parler de sexualité. Alors, la sexualité. Alors, moi, je vais vous en parler attends. Je crois que je suis celle qui l'a plus jouée. Je pose des questions d'Edouard. Je vais poser. L'histoire de cul qui commence. je vais poser les questions d'Edouard qui sont clairement. Donc, comment, déjà, les quadrillards, comment se fait-il, ontologiquement, est-ce que ces créatures peuvent procréer déjà ? C'est la première question. Alors, non. Alors, Thomas, je te vais faire non. Non. Non, il était clair que je n'utilisais pas la pilule avec Météor. Non, je pense pas, non. Très simple, c'est que ces spermatozoïdes ne sont pas sur le même plan ontologique que mon utérus. D'accord. Donc, du coup, c'est pas compatible. Mais après, entre eux, En revanche, il n'a pas dans la réalité l'intégralité des sens que nous, on a. D'accord. Donc, moi, la question qui se posait, il y en avait plusieurs. Bon, au-delà de ça. Je vais d'abord commencer par du point de vue du propre corps de Lina de Cali. D'accord. Quand on fait l'amour, déjà le quadrilla, entre guillemets, ça se transforme en n'importe quoi. Ah, je suis désolée, voilà. Sinon, évidemment qu'il peut avoir un sexe en érection. Ça. Évidemment qu'il peut être un amant très doux et très attentionné. Moi j'ai envie de citer une référence là. Enfin, une référence ou indirecte, mais. Quand on voit par exemple la manière dont le docteur Manhattan, oui, tout à fait. Thomas, je te vois opiner du chef. J'allais le dire, oui. Quand on voit la manière dont le docteur Manhattan fait l'amour à sa nana à un moment donné dans le film Watchmen, donc sorti assez récemment au cinéma, à mon avis, c'est une très bonne vision de ce que peut faire un quadrilla au pieu. Et Cédric, qu'est-ce que tu en penses ? Et rappelons que dans Watchmen, docteur Manhattan le dit bien qu'il ne ressent plus rien. Ouais. Justement, à mon avis, c'est cinématographiquement la meilleure référence qu'on puisse donner des Kadria. Parce que justement, j'allais y venir, c'était du point de vue du corps du Kadria. Ouais. Le plaisir qu'il ressent n'est pas un plaisir physique. Ouais. C'est le plaisir de voir la femme qu'il aime en train de jouir. Mmh. Et du coup, il y avait des choses qu'on jouait où moi, je le rejoignais dans l'ombre monde, certes avec mon armure, mais où là, c'était moi qui lui donnais du plaisir. Les fantasmes de Linda. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Hein. Ouais. Mais du coup, c'est moi comme ça qui ont été joués à la table, hein, en public. Du coup, hein. Moi, je lui ai donné du plaisir. Donc, on n'a pas attendu la forge pour mettre du cul dans nos parties. Moi, je donnais du plaisir à Météor, mais dans l'ombre monde. En fait, c'était on faisait l'amour deux fois, une fois dans l'ombre monde et une fois dans le monde dit réel, pour chacun ait du plaisir. Chacun son tour. Hein. Et du coup, ça posait une vraie question de frustration parce qu'on ne pouvait jamais jouir ensemble. Ouais. Une question me vient, Pierre. Donc, non, c'est là, vrai, c'est vrai. Il y a eu ces scènes-là. Thomas, je te vois rigoler comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Ces scènes ont eu lieu. Tu les as jouées en face de vous. Tu les as peut-être oubliées, tu les as peut-être refoulées, comme disait M. Freud, hein, n'est-ce pas ? On les a jouées en face de vous. Ce grand psychiatre. Mais voilà, on a joué ces scènes-là en face. Hein. Moi, je m'en souviens très bien à la table, hein. Thomas. C'était d'ailleurs l'histoire me donnera raison. Mais bon, c'était le moment aussi un petit peu étrange autour de la table parce que t'es mon maître de jeu. Et à l'époque, moi, jouer ces scènes-là avec un maître de jeu, que t'es aussi un pote, c'était un peu. Moi, je m'en souviens très bien pour ça. Hein. Parce que moi, je rougissais. Ah oui, oui, c'était pas des scènes, t'étais un peu Je rougissais, quoi. T'as l'air d'un con, un peu. Moi, je me souviens même Rappelez-moi d'une scène. Comment ça a fini entre vous. Oh, bah, c'est bon, ça mais va. Mais bon, moi, je me souviens d'une scène très, très, très. Qui m'a marqué, où en gros, je suis dans mon labo. Et quand le météore arrivait, et il se passait ce qui devait se passer dans le laboratoire. Et donc, on avait décrit la scène. Et moi, je me souviens être sur la rouge paillasse. Jusqu'aux oreilles. Comme quoi, sans ta Barbara. Donc, moi, j'avais une question. Oui, Pierre. Pour en revenir à ce que tu dis. Donc, pour toi, les cadrières ont donc des sentiments ? Oui. Oui. Et en tout cas, météore en a. Et comment toi, Thomas, ton personnage, tu le jouais au niveau des sentiments ? Tom. Alors, il était très froid, mon personnage. Complètement. C'est-à-dire, il ne dévoilait pas ses émotions, pas beaucoup ses sentiments non plus. Mais je ne sais pas si on a, si on a eu des scénars, des scènes. Des scènes. Non, c'était tout ce qui était cucul à praline, sentimentalo, tout ça, c'était entre, c'était toujours Agonis, Lina. Toi, t'en as eu quand même des scènes. J'en ai eu moins que Finland Finger, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il faut dire que... Ok, donc ça c'est fait. Hein. C'est vrai que bon, pour un cadre de vie, on aurait. Mais non, mais c'est clair qu'il n'y avait pas tellement. Toi, tu jouais rien. Toi, t'étais avec ton piano, toi. Il y en a eu quand même. Ah, vas-y, Cédric, sors les dossiers. Alors. Pas seulement pour Rebirth, parce que Rebirth, bon, c'est à la fin que t'es devenu Kadria, Thomas. Mais. À la fin de Sans Rebirth. Mais des scènes, il y en a quand même eu quelques-unes, et je ne vais pas développer, mais il y a eu une scène sur Mars, où on a rencontré quelqu'un de ta famille, et où tout plein de questions sont posées au Kadria que tu étais, justement. Mmh. Comment toi, tu l'as vécu ? Comment toi, tu l'as joué, ce sentiment-là ? Rappelle-toi qui j'ai tué. Ton papa ! Il a tué ton papa ! Alors ça, attention, ça je précise. Pour nos auditeurs, pour nos maîtres de jeu, les Kadria, les bugs, n'ont pas de père. Donc, n'allez pas imaginer des papas, des machins. S'ils en ont, ils sont adoptifs. Ou alors, référez-vous à l'histoire de Météor. Vous comprendrez un petit peu dans quelle voie ça se passe. Mais en tout cas, les bugs et les Kadria, éludez toutes les questions sur la famille. Ils n'ont pas de père. Ça, c'est très important. Oui. Si vous voulez éviter des contradictions, surtout, n'oubliez pas ça. Quoi. Alors, c'est par contre, les liens affectifs... Que l'on crée voilà. Avec certaines membres de la famille, qu'ils soient donc du coup imaginaires pour les bugs hein, ou les Kadria. Bon du coup je peux rappeler la scène parce que de toute façon ça n'a pas d'incidence sur Kadria sur Sens Cosmo pardon. Il y a un moment où on a été confronté donc à ta tante, du coup ta tante bon, c'est le lien familial et où je l'ai tuée tout simplement parce qu'elle était t'es contre nous. Rappelle c'est elle qui m'a éborgné. On se souvient très bien. Ah, j'avais oublié ça. Rapproche-toi. Non, par contre, et donc, c'est vrai que par rapport à aux événements qui vont se passer à Guenis dans le livre, ils seront probablement différents. Mais vas-y, continue. Ouais, donc voilà. Moi, ce qui m'intéressait juste, c'est de savoir comment Thomas avait géré la crise. Sachant que ça faisait un petit moment qu'il était Cadria, est-ce que ses sentiments se sont transformés? Tu sais très bien, qu'on a eu des moments. On a eu des moments très difficiles. Enfin, plutôt. Marius et Guenis ont eu des moments très difficiles. Moi, j'ai failli quitter d'ailleurs la résistance. La résistance, plus d'une fois. Plus d'une fois. Il y a eu des tentations, notamment à cause d'autres PJ. Mais aussi par rapport à ce que tu avais fait. Non, mais là, c'est un... évidemment. Si tu nous écoutes. tu tues un membre de ma famille. Et ça, évidemment, ça a été, c'était impardonnable. Ça. Ce qui veut dire que les sentiments qu'avait Marius le bug n'ont pas été effacés par les sentiments de Marius. Mais là-dessus, il y a quand même une vraie ambiguïté dans les bouquins. Hein, parce que Graveur est censé simuler ses sentiments. Météor explique à plusieurs reprises qu'il essaye, il tend vers une graverisation de sa personne, justement, peut-être pour Lina, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il admire Graveur, clairement, donc il essaye de l'imiter. Mais est-ce que les Cadrias de Rebirth ont des sentiments ou pas? Alors, je vais te dire une chose. Moi, je... Un Cadria, non mais qui... Thomas. Réprime ses émotions et ses sentiments, ouais. Qui se détache de ce que sont les bugs, de ce que vivent les personnes dans le monde réel, ouais. C'est certainement des Cadrias qui sont enclins à se sacrifier au bout du compte. Je veux dire, ça, c'est des, à mon avis, c'est tout à fait la bonne chose, ça, la bonne interprétation. On peut l'interpréter comme un rapprochement de la ruine de Cosmo aussi. C'est marrant parce que ton froid, en fait, ce qui était assez rigolo, c'est que le froid tel que tu le jouais aujourd'hui, il irait dans la ruine de néant. Clairement, Thomas, il aurait plein de points en néant à l'heure actuelle. Et à l'époque, on interprétait ça comme du cosmo. C'est-à-dire le froid du mathématicien, du mec qui réfléchit, le froid du mec qui joue aux échecs, qui positionne ses pions. Mais donc... peut-être de ne pas trop s'impliquer. Ce que je voulais dire, c'est de ne pas s'impliquer dans le monde réel plus qu'il ne faut. Ouais. Parce que on savait très bien qu'il fallait détruire Cosmo et Rebirth et que notre fin était suffisamment proche. Et si on ne voulait pas causer beaucoup de souffrance à nos amis Bug. D'accord. Eh bien, il fallait pas trop du coup, leur montrer. L'idée, c'était un peu de devenir leur ennemi pour éviter de les faire souffrir à la fin, quoi. C'est ça un peu l'idée, quoi. Ok, Fabi. Pour moi, les sentiments des Cadrias évoluaient au fur et à mesure de l'ajout de runes dans les ordinateurs. D'accord. Et donc, plus il y avait de runes. Plus les Cadrias développaient une personnalité avec des sentiments qui devenaient de moins en moins joués et de plus en plus réels. Et donc, dans mon histoire avec Météor, au fur et à mesure, je pars du principe que c'était moi qui étais vraiment plus amoureuse de lui et lui qui voulait se rapprocher des bugs. Mmh. Et au fur et à mesure que des runes étaient rajoutées, en fait, lui découvrait ce que c'était des sentiments. Et plus il découvrait ça, plus ça le faisait chier de découvrir ce qu'il avait fait, plus ça le faisait chier finalement d'être amoureux de moi. Ouais. Et moins il arrivait finalement à arrêter de m'aimer. Mmh. Et du coup, plus il était amoureux de moi finalement. Et ça, c'est à mon avis l'ajout des runes, etc. Ça tient aussi au nouveau système, ce que tu es en train de dire là. Et à l'époque, on voit le système qu'on avait, ça ne peut pas vraiment être ça. Mais bon, je vois bien l'idée. C'est vrai que dans le nouveau système, ça colle parfaitement. Mais dans l'ancien système, je ne pense pas. Je pense qu'il y avait vraiment une volonté de jouer ces scènes-là pour pousser le jeu, en fait, tout simplement. On arrivait à la fin de Rebirth. En fait, théoriquement, on avait fini le jeu, comme j'explique dans le podcast. Mais tu vois, quand on l'a joué, au début, Météor était vachement froid. Et au fur et à mesure, de moins en moins, au fur et à mesure, c'est lui qui venait me voir. Au fur et à mesure, c'est lui qui était jaloux d'Agonis, qui finalement laisse Agonis et lui demande de s'occuper de moi. Mais justement, là, il y avait une vraie relation qui se nouait entre vous deux. C'est... Mais oui, mais... C'était plus dans un sens unique. Moi, j'avoue, je rejoins un peu Thomas. Hein. C'est-à-dire que pour moi... C'est marrant comme tu as bien analysé le truc, le fait de ne pas s'approcher des gens pour éviter de les faire souffrir à la fin. Quoi. Tom, tu voulais dire autre chose? Parce que ça, c'est un truc, à mon avis, c'est capital en fait. Météor, c'est typiquement ce genre de perso. Voilà. Mec, il reste froid. Ne pas développer trop de sentiments chez l'autre. Quoi, Il restait froid, mais quand même, il y avait quand même En tout cas, il y avait des scènes où tu jouais avec Flavie. Parce que ça pourrait les retenir eux-mêmes dans leur geste final. C'est ce que disait Flavie, c'est que ça s'est développé au cours des parties dans Sens Mort. C'est-à-dire que lui, au final, il voulait rester froid, puis il n'a pas pu. Quoi. Ouais, voilà, parce que Lina était vraiment trop super. Il a failli. Cédric, tu voulais dire que... Oh, Thomas, il a failli. Mais non, mais c'était une faiblesse. Mais ça a toujours été. Non, mais ce livre-ci, ça a été la faiblesse de Finanfinger. Et Elina a été la faiblesse de Meteor. Ouais. Non, mais il a pas tort. Hein. Le gros bourrin. Il a pas tort, Marius. Sauf que lui aussi a été victime de sa faiblesse. Parce que, comme dirait. Je fais un autre point référence. Comme dirait Dark Vador, tes sentiments te trahissent. On le voit très bien. Parce que si ça n'avait pas été moi qui avais tué, par exemple, ta tante à ce moment-là, si ça avait été quelqu'un d'autre, est-ce que tu nous en aurais voulu autant ? Si ce n'est pas nous qui avions tué Nikolai Handeba, est-ce que tu nous en aurais voulu autant ? Je pense que je voyais, certainement au-delà. C'est-à-dire qu'il y avait certainement des sacrifices nécessaires. Ouais. Et celui de ma tante en faisait partie. Mais ce que je détestais le plus, je vais te l'avouer. On a quand même chier. Ce que je détestais le plus, c'était tous les secrets de Solipsis. Ouais. Très tôt, ça m'a énervé énormément. Tout le monde. J'avais beaucoup d'admiration pour Solipsis, mais alors vraiment, quand elle me disait, non mais il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir. Non mais là, mais envie tout de... le monde, tout le monde. Mais non, mais c'est ben voilà, c'est tout le monde ça. Il y a, deux raisons pour ça. Ouais, moi, j'avais des joueurs qui voulaient, mais il y en a. Je me souviens d'une scène. Il y en a. Il a failli sortir son arme. J'ai fait. Ouais. Et puis je voyais les autres qui étaient à côté en train de le calmer. Moi, je disais, mais non, c'est trop tôt. Patiente, et là il partait. Ouais, mais bon, je pense vraiment que c'est aussi pour l'opposer à Miphos, quoi. Donc, lui, par contre, donne toutes les réponses. Et pour puis, le ça permet aussi de développer beaucoup de choses à la table. Moi, je pense que si j'avais eu toutes les réponses, j'aurais pas développé toutes les théories que j'avais développées avec mon personnage autour des tornades pour permettre à Météor d'essayer de devenir humain. Parce que du coup, j'avais beaucoup travaillé avec Lina Dkali, comme du coup, je ne connaissais pas du coup, les tenants et les aboutissants. Ouais. Ben, avec Lina Dkali, j'avais décidé de travailler sur les tornades pour essayer de rendre en fait, Météor humain et qu'on n'ait plus tous les soucis qu'on avait. C'est clair, mais... Du coup, j'avais créé... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, les synchronis. Oh, les synchronis. Parce que du coup, je n'avais pas réussi à le rendre... humain, mais j'avais vachement travaillé, j'avais apporté plein de plans à Rome et tout, que j'avais créé des trucs. C'est vrai que le fait que Solipsis ne donne pas les réponses incite les joueurs à travailler exactement, pour les rechercher. Et du coup, on avait fait des recherches et mon petit synchroniste nous permettait d'importer dans le monde réel un nombre pouvoir. Donc ça, on ne peut pas rentrer forcément dans les détails de toutes les solutions qui ont été apportées par les joueurs. C'est vrai que toi, t'en as trouvé, mais alors de ce côté-là, Bobo, aïe. Enfin bon, on en si je peux avoir ma petite minute sentimentaliste là. Vas-y Thomas, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Une chose qui est peut-être intéressante aussi pour les maîtres de jeu, c'est l'affection que porte et que manifeste parfois, assez rarement, mais Solipsis à ses quadrillas. Ouais. Ça c'est arrivé et je crois que, enfin moi, ça m'avait fait quelque chose. Et ça les aide à rester peut-être dans le bon chemin, ça. Oui, mais alors quelle blessure lorsqu'elle disparaît à la fin de son sens. Non, mais là c'est vraiment abominable. Traumatisme. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment absolument créer un attachement très fort des quadrillas de Rebirth à Solipsis avant sa disparition. C'est absolument essentiel. Alors là, tu vas en contradiction totale avec le choix que j'ai fait pour les bouquins. C'est intéressant. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que j'ai dit dans les bouquins, c'est qu'elle disparaissait quasiment au début de Sens Mort. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que les joueurs de Saint-Malo, donc pas la table de Rennes, pas la vôtre, les joueurs de Saint-Malo avaient trouvé que les runes de Dieu, donc les immortels, étaient trop présents et donc monopolisaient trop la parole et les prises de décision. Et donc les joueurs voulaient plus de liberté, en gros. Donc, mais attention, Thomas, le conseil que tu donnes là, des maîtres de jeu peuvent le respecter et dans ce cas-là, la faire disparaître plus tard dans l'histoire. Ça ne pose aucun problème. Maria peut très bien décider de trahir après. Pas de souci. Pas de souci. Donc voilà. Parce que toi, tu pars du principe que si Solipsis ne fait pas de geste. Ouais, voilà. Non, il faut absolument. Ouais. Ok. Sinon, ils trahiront direct, quoi. Bah, après, autrement, non, oui. Tout dépend de la présence de Solipsis dans Sens Rebirth, dans Sens Renaissance. Si elle est présente du début jusqu'à la fin, il est vrai qu'elle meurt au début de Sens Mort. Bon, à la fin. Le sens mort, mais elle disparaît au début de ça. Voilà, qui disparaît avant au début de sens mort. C'est pas si grave. Ouais, Thomas. Si elle est pas présente au début dans le sens renaissance, là, c'est vrai que Thomas a raison. Il faut que j'ai beaucoup aimé le début de sens Death avec toutes les explications de Solipsis. Ah ça, voilà. Et, avec la rose de Galad, etc. D'accord. Ouais. Donc ça, tu penses que c'est à ce moment-là, au moment où elle est sur le vaisseau à expliquer. Ce moment-là. Plus proche le micro, Thomas. C'est ce moment-là. Ouais. Ok, d'accord. Ça marche. Donc voilà, on peut éventuellement passer en revue les différentes questions qui ont été posées sur le forum. Tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Céd ? Non. sur l'histoire, sur la manière dont les quadrillas de vie, donc là on a passé en revue donc l'histoire, la manière dont les quadrillas de vie s'intègrent à la table. Bon, là on va essayer d'approfondir un petit peu en suivant les questions qui ont été posées par les lecteurs de sens. Donc les premières questions, donc, est-ce qu'il va y avoir, donc là ça sort un petit peu du cas des quadrillas de vie, mais on nous parle des quadrillas de vie, des quadrillas de cosmos, des quadrillas de mort, est-ce qu'il y aura d'autres types de quadrillas dans la suite de sens? Bon, je crois que c'est une question qu'on a un petit peu abordée. Je vois Flavie qui court sur le micro, je sais ce que tu vas dire. Vas-y Flavie, je t'en prie. Faut que vous fassiez les quadrillas de chaos. Non. Voilà, non mais ils ne seront pas mis en place dans les livres. La question c'est ça. C'est... Mais je sais que, bon moi je suis en train de les mettre en place à ma table, c'est rigolo. Voilà, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Ouais, non, mais attention amusant. À ne pas les dégénérer, à ne pas confondre le changement et la puissance de la création. Ne t'inquiète pas, tu n'as toujours pas vu ce que c'était puisqu'on n'a pas continué pour l'instant. Oui, d'accord. Mais bon, pour l'instant, tu les as représentés un peu comme... tu peux en parler si tu veux. Ben, pour l'instant, ça ressemble à des arlequins, pour l'instant, un peu des... C'est ça. Ouais. C'est des arlequins, un peu ben, dans le principe de la comédie dell'arte. Mmh. Arlequin, c'est une sorte de puissance du chaos. Ouais. Qui se balade un peu sur Terre et qui joue des mauvais tours aux humains, sauf quand il tombe amoureux d'une colombine. D'accord. Et dans ces cas-là, il devient plus calme. En fait, c'est sa puissance qui met dans les mauvais tours. Mmh. En fait, il l'utilise pour aider la colombine. D'accord. Et pour faire qu'elle tombe amoureuse de lui, jusqu'à ce qu'évidemment arrive Pierrot. Et dans ces cas-là, le Pierrot fait ressortir le côté négatif des arlequins. Mmh. Et donc, Arlequin... Père Colombine en retrouvant cette capacité négative qu'il utilise contre Pierrot. Vous êtes toujours sur le podcast de la cellule qui parle de sens hexalogique. Pardon. Et donc du coup, moi je me suis inspirée de ça pour créer les quadrillas de chaos, qui était du coup une force un peu chaotique qui amène quelquefois de la méchanceté ou du bonheur selon leur envie du moment. Et le principe, c'est que dans mon histoire à moi, le quadrilla de chaos est amoureux. Mmh. Mais c'est un amour un peu étrange. Bref, on en discutera après. C'est une fascination pour un des bugs. Qu'est-ce que tu dis, Thomas? Pour un débug. Elle nous parle d'amour tout le temps. Je suis navrée, voilà quoi. C'est l'histoire. Mais c'est plus une fascination. Quoi. C'est une fascination pour un des bugs de la table. Et à un moment ou à un autre, vu qu'il y a des liens qui ont été mis en place dans Sens Death, va y avoir la face antagoniste, c'est-à-dire le Pierrot qui va arriver forcément. Mais t'es en train de partir sur les quadrillas de chaos, mon cœur. Oui. Donc attention, je pense que tout le monde a bien compris que tu voulais faire un parallèle entre les quadrillas de chaos et la. Oui, mais du coup, voilà, faut faire les quadrillas de chaos. Ça y est, c'est le retour des as. Les quadrillas. Pierre, prends un micro, t'entends pas. Arrête de faire des blagues en dehors des micros. Faut se laisser aller sur les quadrillas de chaos. Ouais, on avait fait un article sur le blog où il y avait eu d'autres bonnes idées qui étaient sorties. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, Flavie est une fan de Wilfried. Aussi Wilfried chaotique dans ses participations à ce podcast que dans la vraie vie. Et en tout cas, les quadrillas de chaos, c'est parti. Ça va être ton délire, en tout cas dans une partie de ta chronique. Grave. Bon. Mais alors, les quadrillas de chaos, ils ne seront pas prévus dans ce sens, ça c'est clair. Il y a une chronologie de toute façon dans ce sens, dans l'hexalogie. Non, vas-y, Thomas, parle pour répondre à la question, il faut savoir ce qu'il advient à la fin de sens Cosmo. Oui. Est-ce que Cosmo et Rebirth est détruit? Qu'advient-il de l'ensemble des quadrillas que l'on connaît? Mais Flavie voudrait les introduire plus tôt. Hein. Elle voudrait les introduire plus tôt. Parce que les quadrillas de Cosmo interviennent avant la chronique Cosmo, donc il n'y a aucune raison. Mais là, ils ont été introduits là. De quoi? Non, ils n'ont pas été introduits, les quadrillas de chaos. Non. Non, non, pour l'instant, ils n'existeront pas, a priori. Ils n'existeront pas dans les bouquins tels que je compte les. J'ai pas d'idée, écoute, j'ai pas non plus sortir de mon chapeau, j'ai pas non plus. Voilà, j'ai pas non plus sortir à chaque fois des trucs, voilà, j'ai pas d'idée. Flavie est toute compétente pour ça, elle publiera sur le blog de la cellule des choses sur les quadrillas de chaos. Les quadrillas de création, c'est pareil. Déjà en partie été fait. À mon avis, les quadrillas de création n'existeront pas. Enfin, en tout cas, je vois pas pour l'instant, j'ai pas d'idée non plus. Thomas, tu voulais. Les quadrillas de néant. Les quadrillas de néant non plus. J'ai toujours des idées. Oui, mais c'est voilà. Pour l'instant, moi, je vois pas. On peut avoir plus d'hypothèses pour les quadrillas de néant, étant donné que sens néant est déjà. Mais encore, faudrait-il. Oui, a déjà été joué. Mais bon, moi, Cédric, il rapproche son micro aussi. Mais vous êtes horrible avec vos micros, vous savez pas. Non, on est prêt, encore, hein, faudrait-il que des bugs jouent chaos et création. Eh oui. Oui. Mais bon, stop, Thomas. On ne dit rien. On nous dit pas spoiler. Mais bon, c'est vrai, tu as raison. Oui. c'est un fait. Mais bon, encore une fois, les quadrillas. Attends. C'est... Ouais, est-ce qu'ils sont aussi importants que ça, les quadrillas de chaos et de création? Bah, ça dépend de la place que tu veux leur donner. Bah voilà, c'est tout. Après. Mais bon, en tout cas, ils n'ont pas de place. C'est triste, ça déséquilibre un peu l'hexalogie, du coup, oui, je trouve. C'est sûr. Mais c'est triste, mais moi, j'ai rien prévu. Pour alors, l'incomplétude du monde embrouille vient de l'absence oui. de. Oui, oui, non, non. Oui, c'est une possibilité. Des quadrillas de. Oui. Et je le dis, c'est une possibilité. C'est et c'est, une possibilité. C'est non seulement c'est une possibilité, mais c'est ce que j'avais prévu à la base. Puisqu'on savait, très très bien, dès le début, quand on parle de Cosmo et de Rebirth, que les ordinateurs sont incomplets. D'accord. Donc qu'il n'y a pas tous les types de quadrilla, parce qu'il n'y a pas tous les types de runes à l'intérieur. Ouais. Bien sûr, les ordinateurs sont amenés à se compléter dans la suite de l'histoire. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, je ne joue que des quadrillas de chaos et pas les autres, parce que je considérais que le chaos, justement... j'ai donné une explication sur le blog de la cellule, mais... Mais tu trouves pas quand même que c'est déjà des considérations de spécialistes, de gens qui ont déjà fini le jeu, de se dire, est-ce que je peux rajouter des quadrillas de chaos ? Moi, j'ai qu'à rajouter aussi, parce que c'était l'aspect chaotique, tant pis si je suis pas dedans, puisque je suis là déjà, même si le fait qu'un jour il ait été arrêté, il y a eu le chaos qui a été, oui, d'accord, qui a mais été mis dedans. Quoi. À mon avis, en tout cas, pour répondre clairement, dans les livres, il n'y aura pas... Attends, Cédric voudrait prendre la parole, je suis désolé, excuse-moi. Pierre, mais... Ouais, non, ce que je voulais dire par rapport au fait, bon, c'était marrant, à la remarque de Thomas, surtout sur la complétude de non, sens qui est due finalement à l'absence d'imagination, attention, ne le prends pas mal, de Rome. Mais c'est pas ça, mais il faut voir aussi, comment dire, sens comme, comment dire, ce n'est pas un jeu de rôle commun, c'est quand même avant tout un tutoriel, mais qui n'est pas là pour vous mâcher tout le boulot. C'est aussi évidemment un appel à la création. Donc justement, tous les bugs, tous les quadrillas qui ne sont pas là, faites le boulot également. Quand on dit que Sans est incomplet, c'est oui, faux. Mais attends, Sans, attends c'est aussi à vous de le compléter. Il faut aussi se dire que les gens qui jouent maintenant, qui découvrent le jeu maintenant, c'est toi, t'es sympa, mais t'as fini le jeu. C'est vrai, je ne dis pas que Thomas. Le jeu de rôle Sans est incomplet, surtout pas. Je parle spécifiquement du monde Android. D'accord. Qui lui n'est pas complet. Voilà, ouais. En tant que monde. Ontologiquement, il est imparfait. Certainement pas du jeu. Certainement pas du jeu. Mais cela dit, enfin, le parallèle est rigolo. C'est-à-dire que c'est vrai. Effectivement, il a raison, Cédric, de dire il y a aussi un manque d'imagination de ma part, et c'est pour ça aussi que le monde ombroïde, enfin que le monde des ombres. Ça y est, vous me faites reprendre mais non, le mais vocabulaire. Il est important qu'il n'ait pas. Enfin, moi, je trouve. On en parlait au départ. Qu'il soit pas comme le monde des bugs. Mmh. Il est incomplet. Ouais. Et S'il commence à y avoir des quadrillas de chaque type, je vois plus la différence entre les bugs et les quadrillas presque. On a l'impression qu'il y a deux niveaux de jeu et puis que. Puis alors, n'oublions pas là, quand même l'une des grandes questions qui est posée par Sans, à mon sens, ouais. C'est que le monde des bugs que vous trouvez complet est en fait incomplet, puisqu'on n'a aucun moyen de savoir si le monde dans lequel nous vivons est complet. Puisqu'on n'a aucun moyen de savoir s'il n'existe pas une multitude de sens, justement. Nous vivons dans un monde, je ne sais pas moi, dans un univers qui est atteignable par exemple par 12 sens. Oui. Et nous, les bugs, nous n'avons que 5. Donc on ne pourrons jamais rencontrer le monde. On ne peut pas. Donc, ça se trouve, notre monde aussi. Alors, ça, la problématique des sensations. Je pense que c'est l'un des problèmes de sens aussi. Alors, oui, tout à fait. Mais ça cette problématique-là, donc là, pour nos auditeurs, tu avances un Mise peu parce qu'elle n'arrivera un peu que dans Sens Néant, on va dire, la problématique des sens différents. Mais non, mais c'est intéressant à souligner parce que les joueurs, déjà, sans doute. Pierre qui pleure, là. Les lecteurs, ouais. Pierre, le pauvre, il. Mais c'est vrai que ce sont des réflexions qui ne peuvent être faites aussi que quand on a fini le jeu, qu'on a une vision. Il faut se mettre à la place de nos éditeurs, des gens qui nous écoutent et qui n'ont que deux bouquins entre les mains et qui sont habiles déjà. Hein. Intellectuellement, les mecs, j'aime me dire, parce que moi, j'en lis des réponses sur le forum et tout. Et les mecs, ils sont habiles. Ils ont déjà des joueurs débiles à ta table aussi. Oui, hein. Oui, d'accord. Mais eux, les lecteurs là, ils ont déjà anticipé plein de trucs. Vous seriez, parce que je sais que Thomas ne suit pas souvent le forum. Moi, je suis halluciné. Hein. Et c'est sur ce hallucinant. Qu'ils arrivent à deviner à partir c'est des deux bouquins. Complètement hallucinant. Et certains même à partir du kit d'initiation seulement. Les mecs, ils sont au taquet, quoi. Et donc alors vous avez des réflexions plus profondes du fait, vous savez où ça va, mais mettez-vous à la place de ces gars-là. La plupart de ces mecs-là, si ça se trouve, ils sont capables de pondre un sens à partir des deux bouquins-là. Mettons, demain, on arrête d'écrire, on arrête de PCST, on arrête tout. Demain, ils sont capables, si ça se trouve, de pondre un sens qui sera meilleur que le nôtre, quoi. Ils sont vraiment au taquet. Donc, il faut vraiment partir du point de vue aussi. Ah, Thomas fait la grimace. Ouais. Non, ils ne seront pas meilleurs que moi, il se dit. Le mythos. Je me rappelle de la beauté non, mais de Sens Cosmo, par exemple. Ouais, mais bon. C'est une question de savoir si le sens en question sera meilleur qu'un autre. Par contre, la question de complétude du monde, c'est une question qui peut se poser dès Sens Rebirth. Ouais, non, mais c'est clair. Mais c'était absolument pas pour dire mais que à mon les avis, étaient des crétins, loin à, de là. Hein, à mon avis, le fait qu'il n'y ait pas tous les quadrias, ça pose aussi la question de, ça, de la voilà, c'est ça, du fait que l'ombre monde est incomplet, à mon avis. Mais bon, et Flavie, c'est parce qu'il faut tu es libre de créer ce que tu veux. Hein. Barre, mais fout. Non, mais moi je suis une grosse fan de Wilfried, il était hors de question que je fasse une chronique sans quadrias de chaos. Ouais, c'est pareil, à mon avis, Wilfried, ça... Enfin, bon, maintenant, bref. J'aurais jamais fait des quadrias de néant et de création. Ben, j'ai peur de faire du spoiler. Non, néant. J'en rajouterai pas. Non. Mais non, de toute façon, on attendra Sens Néant avant de parler de ce genre de choses. Mais en tout cas, pour l'instant, pas de quadrilla de création, pas de quadrilla de néant de prévu, pas de quadrilla de chaos. Donc, on parlera que de Cosmo, de Death et de Rebirth. Et c'est déjà amplement suffisant pour les problématiques qu'on voulait aborder. Maintenant, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais ça me semble qu'on l'a déjà dit. Alors, autre question posée sur le forum, parce que mine de rien, le temps avant, je crois que ça va être un des podcasts les plus longs qu'on ait jamais vu. Quoi qu'il en soit, autre question, pourquoi les quadrillas de vie sont-ils parcourus de foudre bleue ? Les quadrillas de Cosmo semblent être froids, des anges froids métalliques, lumineux. Est-ce qu'il y a une certaine logique, une certaine esthétique ? Qui peut répondre à cette question ? Thomas, non ? Pourquoi Monsieur Manhattan est-il en bleu ? Ça, là, il y a une vraie raison, mais malheureusement, elle trouvera sa réponse dans le prochain livre. Donc, voilà. Est-ce que tu veux qu'on donne la réponse ou pas ? Écoute, oui, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, on peut dire que les runes sont associées à des éléments. Voilà. Tout simplement. Ouais, et que éléments, le bleu est associé à un élément que tu découvriras. Pensez au présocratique. Ouais. Pensez au présocratique. Ouais, c'est vraiment ça, en plus, hein, le pire. Ouais, Cédric. Ah, bravo, hein, si les gens n'avaient pas compris, maintenant, ils le savent. Hein, la rune qui est associée à un élément, et puis il y a un élément qui est associé à un élément. On n'oublie pas qu'on parle à des maîtres de jeu. Je pense que eux, la première chose qu'ils diront de Sens Néant, c'est la correspondance des éléments runes. On peut déjà la faire, effectivement, dans Sens Néant, les runes seront associées à des natures élémentaires, on va dire gros maître fan, etc., mais vous verrez que c'est un petit peu différent quand même. Donc évidemment, la rune de vie est associée à l'eau, c'est pourquoi elle est bleue, la rune de Cosmo est associée à la lumière, c'est pourquoi elle est blanche, et la rune de mort est associée, logiquement, hein, à l'opposé de l'eau, c'est le feu, à la rune rouge du feu, donc voilà. Donc voilà pour les couleurs des quadrillas. Du coup, pourquoi est-ce que tu n'as pas entouré les quadrillas de vie d'eau ? Tout simplement ? Ouais. Je vais te répondre tout simplement parce qu'à la base, ce n'était pas prévu. C'était des as. Hein. Là, tu l'as très bien rappelé au début pour foutre la honte. Au début, ce n'était absolument pas prévu. Il ne devait pas y avoir toute cette correspondance-là. Le jeu se construit aussi au fur et à mesure. C'est pour ça, c'est clair qu'on aurait pu les entourer d'eau, tout simplement. Mais bon, il y avait les fragiles en parallèle. Ouais, donc vrai. Même en réécriture, même en réécriture, je pouvais pas changer d'avis et mettre voilà, ça collait plus. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, esthétiquement, quand même voilà. Fallait que répondre. Les quadrillas aient quand même la même vision. Il faudrait que ce soit toujours de la foudre quand même. Voilà. Sinon, c'était plus des quadrillas. Oui, c'est vrai qu'il y avait ce petit côté là aussi, mais j'y ai pas du tout réfléchi à vrai dire. Pour être tout à fait honnête, à la base, c'était pas prévu qu'il y en ait autant, que ce soit si cohérent, etc. Tout ça, faut voir que c'est un travail qui s'est fait dans le temps, puis ensuite qui a été retravaillé, remâché, puis retravaillé même. Enfin, il y en a eu des tas d'essences, hein. On en a connu plein. Donc voilà. Mais je voudrais juste appuyer une remarque que lançait Pierre, là, à parté, malheureusement. Ouais. Lorsqu'il disait... Il n'a pas de micro que... Il n'a pas de micro Donnez-lui un micro. Il n'a pas de micro. Alors vas-y, balance-nous ton Vous avez la parole, prenez-la, mon vieux. Merci. Non, mais ce que je trouvais bizarre, c'était les quadrillas de mort, le feu, le rouge. Ouais. Mais pourtant, le feu, c'est à partir du feu que renaît la vie, non ? Alors, nous voulons des réponses. Vous voulez des réponses ? Je vois pas Vous les aurez dans Néant, fermez votre gueule. Mais d'accord. Bon, a priori, l'eau et le feu ont toujours été opposés sur le symbole élémentaire. On va dire là-dessus. Voilà. Et ce que je disais également à Pierre, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je ne peux que vous encourager à, tout à, fait. À jouer à Sens Néant. Ouais, c'est après, en fait... c'est pour l'instant, il n'est pas sorti. Donc non, mais après, hein, ouais. Je ne peux que vous encourager à attendre la sortie de Sens Néant. Donc. C'est en fait toute la symbolique que vous pourrez accorder aux éléments justement par rapport aux runes, faire ces liens-là peuvent être hyper intéressants peut-être pour d'ailleurs, très enrichissant. D'ailleurs, autour de ça. Fait. D'ailleurs, je voudrais revenir sur un point. Il me semble bien, mais je voudrais vérifier qu'il y a un tableau dans la première base où il est question de comment calculer les différents scores au niveau des runes. Et à l'intérieur de ce tableau, donc vous trouverez, c'est dans l'appendice de Sens Renaissance, là je l'ai sous les yeux mais j'arrive pas à trouver. Tiens, si c'était peut-être dans là. Vous trouverez facilement un endroit où il y a écrit les correspondances qui existent entre les éléments et les runes. Voilà. Si vous êtes patient et que vous pouvez vous retaper toute cette tout cet appendice, vous pouvez retrouver cet endroit. Et donc, puis je tiens à rebondir sur ce que disait tout à l'heure Thomas, là, quand il disait ouais, chez Flavie, il y a beaucoup d'amour et autres. Mais n'oublions pas, alors ça c'est pour faire juste partager notre expérience, quand nous on a joué à Sens Néant, ouais. L'amour était au centre du cadran. C'était lui qui faisait quand même le lien entre tous les points. Là, je ne fais pas de spoiler. Tout à fait. Si, un petit peu, mais c'est pas grave. Ah, pardon, désolé. Donc, ce sera expliqué différemment dans Néant. Mais bon, bref, ouais, tu ne fais pas vraiment de spoiler. Je pense aussi ne pas faire vraiment de spoiler, mais en tout cas, voilà, c'était quand même un point essentiel. Donc il y avait voilà donc Pierre a retrouvé la page, donc je vous annonce c'est page 239, donc dans l'appendice il y a en haut de la page vous verrez une correspondance entre les runes et les éléments, et donc c'est pour cela si vous regardez dans cette page là c'est pour cela que les choix des couleurs des quadrillas sont par exemple pour la vie bleue, pour la mort rouge, et pour Cosmo donc blanc. Voilà, donc là il y a la réponse claire. Il nous demandait si ça suivait une esthétique particulière et la réponse est oui. Et est-ce qu'on a une solution dans lapin 11? Dans lapin 11, pourquoi tu dis ça? Lapin 10. C'est nul. Merci Cédric. Merci. Tiens Cédric, je suis désolé. Cédric, à propos du fait que je te fasse chier avec l'amour là, c'est qui était amoureux désespéré de mon personnage là pendant toutes les chroniques? C'est qui? Hein? Et puis c'est qui passait son temps à boire à la bouteille? Parce qu'il était tout triste. Ouais, elle était pas drôle celle-là. Non, c'est vrai que là Cédric, c'est vrai que bon, le sens de ta Barbara, tout ça. Oui. Bon, en tout cas, lapin 11, pas mal. Hein. Ouais. Bon, allez, c'est parti, on continue sur les questions qui ont été posées. Donc, à un moment donné, donc, cette personne, ensuite, après nous avoir posé, donc c'est Adrien, après nous avoir posé toutes ces questions sur les quadrillas, les couleurs des quadrillas, nous dit, est-ce que la foudre n'est pas gratuite? On a déjà répondu, oui, c'est gratos, ça me faisait plaisir d'offrir, joie de recevoir, c'est du Soldissimo, c'est les jouets Jean-Michel. Donc voilà, la foudre, c'est totalement gratuit la foudre. Pour être classe, il faut rappeler qu'il est fan de Saint Seiya quand même. Hein. D'accord, merci. À chaque fois, ils vont me breaker avec ça. C'est important de le rappeler. Hein. C'est nul. Merci les amis. Alors... Non, le pire, c'est que tu as converti d'autres à Saint Seiya, c'est ça qui est terrible. C'est affreux le pouvoir de persuasion. C'est dingue. C'est dingue. J'ai des actions à la Toei et chez Kurumada, chez Bandai, tout ça. Enfin, chez Bandai. Ouais. En tout cas, j'ai pas des autres questions alors du coup. J'ai pas des actions, mais j'ai des copains qui y sont infiltrés en tout cas. C'est tout ce que je peux dire. Alors une autre question. Alors c'est comment s'est déroulée l'enfance des quadrillas? Sont-ils nés comme des enfants ordinaires? Ont-ils grandi? Sont-ils apparus spontanément? Point d'interrogation. Pour moi, c'est spontanément. Spontanément. Oui. Voilà, j'ai répondu. Ouais. Merci, c'était bien. Moi, alors, et ils sont apparus adultes ou... Adultes. Adultes, okay. Adultes, mais avec... ils peuvent avoir des souvenirs, pourquoi pas, mais moi, pour moi, c'est adulte. D'accord. Cédric, qu'est-ce que t'en penses? Alors, dans la première version, nous, de ce qu'on avait, je rappelle que les quadrillas, qui étaient censés être nos alter ego, ont été décrits comme des enfants quand ils ont investi à Nouvelle-York. Parce qu'eux-mêmes n'avaient que 5 ans, comme nous. Tout à fait. Ce qui fait alors, que... Ils sont... Ouais. Alors, ouais, ouais. Certaines descriptions qui ont été données. Évidemment, ouais. Rappelons que les quadrillas avaient des pouvoirs de mutation et autres, mais en tout cas, c'est l'une des formes qu'ils avaient. Et nous, dans la première base, nous étions des enfants, puisque rappelons-le, le but de Gladius Sword et de Mordins, je ne sais plus si Mordins. Mordins n'existe pas dans la nouvelle plus, base. Enfin, bon, bref, l'autre général. Mais on va dire le but des résistants. Le but des résistants était de trouver une centaine d'enfants. Donc, on n'est pas arrivé pop comme des adultes. Mais ça, c'est dans la première base. Et ça, c'est vraiment pour les personnes réelles. Moi, ce qui me semble, donc, c'est comment a été l'enfance des quadrillas? Moi, il me semble que d'abord, on dit dans la base qu'ils sont nés sans contrainte. Donc, ce qui dit sans contrainte physique aussi, sans contrainte de développement aussi. Donc, c'est possible que les premiers quadrillas soient nés dans des corps d'ombre femme, on va dire. Et puis, d'un seul coup, soit sorti et fait n'importe quoi, et réaliser des rêves d'enfants, en fait. Et les réaliser en vrai. Ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient esselés, poursuivis par l'ombre résistance et par l'ombre Finlongfinger, qui les traquait, parce qu'ils avaient du coup tué des résistants et des nouveaux Yorkais. Donc, il y a eu une traque au quadrilla qui a été lancée. Et là, il y a quatre quadrillas de Rebirth, donc les quatre premiers, Kranisten, Graveur, Météor, Meta-Anima, qui se sont regroupés pour essayer de se développer les uns les autres, et qui se sont baptisés d'ailleurs à ce moment-là. Donc ça, pour l'enfance des quadrillas. Alors, moi, j'ai pas envie de trop bondir sur Enfance des Cadavres pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai envie de vous proposer des scénarios que j'écrirai, que j'esserai sur le forum, où vous serez. Donc, c'est un sens parallèle que je comptais faire de toute façon avec ma table de Saint-Malo, c'est de jouer des Cadrillas de Rebirth en fait. L'enfance, les 5 ans. Donc, on aura. Bon, c'est un jeu qui se développera. Je suis contente d'être invité à Saint-Malo maintenant. Non, mais c'est probablement. Ta gueule. C'est probablement quelque chose qu'on va faire. C'est jouer. Je ferai un jeu de rôle, un petit supplément, où on jouera l'histoire, l'enfance des Cadrillas. Donc, on aura donc de plus en plus d'infos. C'est comme Kurumada avec les chevaliers. Ouais, d'or. Voilà. Bien joué. Excellent. Un excellent point. Bien joué. Une question très intéressante, Flavie. Non, mais quoi qu'il en soit, c'est clair que moi, j'ai quand même envie de raconter l'enfance de ces gens-là, parce que, enfin, de ces créatures. Parce que l'autre chose qui est importante, c'est sans contrainte. Comment on peut imaginer le développement d'un enfant sans contrainte? Et ça, c'est à mon avis, c'est une problématique. Qu'est-ce que ça signifie être sans contrainte? Alors là, toi qui parlais d'Évangélion tout à l'heure, pour le coup, il y a un excellent exemple dans Évangélion, le moment où il explique que sans contrainte, on ne peut rien faire, on ne peut pas se développer, etc. Qu'il faut des contraintes. Ça, en tout cas, même le langage est une contrainte. Si tu ne rencontres personne qui te comprend. Voilà, c'est les limites, les barrières. Et justement, comment on peut s'épanouir sans barrières? Flavie, est-ce que tu pourrais passer le micro à Thomas? Il y a Thomas qui est en train de fuir. C'est juste dans la première base de jeu, là. Ouais. Tu mets, ils grandissent très vite et prennent conscience de leurs différences avec les autres êtres de leur monde. Oui. Ils se réunissent et décident de se contraindre eux-mêmes pour éviter la folie. Exactement. Parce qu'ils naissent sans contrainte et ils ont, ils naissent avec une intelligence et une force extrême. Ouais. Ah oui, mais non, mais c'est clair. Et ça, c'est expliqué dans la base. Alors là c'est l'ancienne base qui est en train de lire Thomas. Il n'en existe que 30 exemplaires dans le monde. Messieurs, si vous voulez vous fournir, il va falloir se lever de bonne heure. Mais en tout cas, cette base qui est en train de lire Thomas explique l'enfance des Cadrillas de Rebirth. Mais ça, c'est un petit peu expliqué aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Tom, de cette phrase? Ouais, c'est ça, hein, c'est ça l'enfance des Cadrillas de Rebirth. C'est qu'au début, ils en chient, mais grave. Ils n'ont pas de contraintes, ils n'ont pas de langage. Ils réalisent leurs rêves parce qu'ils utilisent l'ombre énergie pour réaliser leur fantasme. Il y en a certains qui lisent dans les pensées des humains. Ouais. Par exemple, Météor, bon, j'avais commencé à écrire un texte pour le jeu de rôle que je prépare, là, cette histoire d'enfance des Cadrillas, donc ce n'est pas vraiment un jeu de rôle, ce sera plutôt en quelques pages comme ça. Mais en gros, où Météor, la première chose qu'il entend, c'est les pensées de son père, tu vois, un truc à la psychomantis un peu dans Metal Gear, où qu'est-ce que ça veut dire? Une autre référence. Une autre référence, bien sûr. Ils vivent dans le monde des bugs, qui est un monde de contraintes. Et ils sont issus du monde embroïde, qui est un monde sans contrainte. Bah non, pour eux, parce que eux, ils ont les ombres énergies, les ombres pouvoirs. Voilà. Mais est-ce que, enfin voilà, je sais pas moi. Mais c'est un peu ce qui est enivrant aussi quand on commence à jouer à un Cadrilla. C'est surtout quand on évolue dans le monde embroïde. Ouais. C'est toute la puissance que l'on a. Enfin, bah ouais. Extrême quoi. Trop balèze. Facilité. Justement, je précise sur le trop balèze. Sur le trop balèze. On est trop. Et je dois dire que ça enivre. Ça enivre les joueurs d'avoir autant de puissance et autant de pouvoir. Mmh. Mais c'est, enfin voilà, l'enfance des Cadrillas. En tout cas, historiquement, Flavie, tu voulais. En tout cas, historiquement, ils sont pourchassés par l'ombre résistance. Ça, c'est très important. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Attention, parce que quand tu parles comme ça, ça... Non, ouais. Je me souviens de certaines scènes de combat où les Cadrillas de Rebirth ont été très puissants. Quoi. Moi, je me souviens de Thomas, donc Thomas Poussou, en jouant protecteur, qui empêche carrément un immeuble de tomber sur une division de la résistance. Enfin non, même pas. De tomber sur des gens de Berlin. Donc, ils sauvent, en fait, devant tout le monde, en plein centre-ville de Berlin, ils sauvent tout un tas de Berlinois en utilisant ses pouvoirs devant tout le monde, etc. Enfin bref, c'est trop la classe. Et donc, manipulant un immeuble comme ça, quoi. Et en plus... Il devait avoir un niveau 20, là, à peu près. Mais non, mais ça, c'était dans les anciennes règles, Thomas. Il n'y a plus de niveau. Avec les dans nouvelles règles, il n'y a pas de problème de niveau. Oh, voilà. Mais bon, c'est vrai que, du coup, dans l'ombre monde, avec des ombres personnes, il devait juste avoir la vision soit de super-héros, soit de monstre. Ouais. Mais oui, mais c'est pour ça que l'ombre résistance les traque. Mmh. Et c'est pour ça que Finnfinger va tout faire. Enfin, l'ombre Finnfinger. D'autant que, du coup, tant qu'ils sont tout seuls, ils n'ont pas vraiment le langage, même si certains ont la télépathie. Mmh. Et du coup, là, on rejoint même les sourds et muets avant que De l'Épée invente le langage des signes. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun moyen de communiquer. Donc, c'est juste des bêtes sauvages, quoi. En tout cas, voilà. Je voudrais quand même revenir sur la question des contraintes dans l'enfance des Cadrillas. Ça me gêne. Ça me gêne. Bon, alors là, ça va être la minute intelligente d'Ionis. Mais ça me gêne tout simplement parce que quelqu'un qui n'a absolument aucune contrainte, donc ici le Kadria, va du jour au lendemain se dire « Ah ben non, on va devenir taré si on n'a pas de contraintes. » Donc on va se poser des contraintes. Pour moi, c'est hyper difficile de m'imaginer ça. Non, alors, c'est parce de jouer, que les contraintes, non, c'est parce que les contraintes arrivent avec le monde dans lequel ils sont. C'est-à-dire avec Finn Longfinger qui les traque, les contraintes vont s'imposer à eux. Mais au début, ils n'ont pas de contraintes. Je veux dire, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils sont tarés ou pas. Moi, ils vivent dans ce monde-là et au fur et à mesure, c'est de voir des gens leur parler, c'est de voir d'être traqués. C'est là que les contraintes arrivent voilà. Et que là, ils deviennent fous et ils ont peur. D'accord. Les premières souffrances, par exemple, un truc qui est vachement intéressant à jouer, c'est les premières souffrances. Oui. Quand tu n'as jamais ressenti souffrance et que d'un coup, tu as Longfinger qui te donne un gros coup de planche à pain dans ton nez, et que la première fois que tu dis, putain, je suis en train de me faire punir là. Ah ouais, et justement, on peut se poser la question aussi de la relation qu'ils vont entretenir du coup avec Longfinger. Est-ce que quelque part, l'ombre Longfinger n'est pas la première limite qu'ils rencontrent? Et du coup, est-ce que ça explique pas aussi le fait que Kranisten veuille se battre contre lui, etc. Un peu... Oedipe. D'accord, non. Mais ne posons pas l'hypothèse d'un éveil à la conscience, à la révolution, la révélation non. Platonique. Moi, ce qui m'intéresse, par contre, Cédric, je vais te dire, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, en cas où je ferais un jeu spécialement sur les quadrillas, moi, ce qui m'intéressait, c'était de partir de l'idée, on rassemble des joueurs. On rassemble 4 joueurs qui vont être autour d'une table. Et en fait, il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte. D'accord ? Les joueurs font ce qu'ils veulent. Et au fur et à mesure, les règles arrivent. Les règles de jeu. D'accord ? Donc les règles métaphysiques dans l'histoire de sens arrivent. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Tu les as éliminées ou pas ? De quoi ? Dans les nouvelles bases. Les contraintes qui pesaient, je veux dire, au niveau des. Les quadrillas de sur les pouvoirs. Oui, je les ai éliminés. Maintenant, les pouvoirs sont libres, en fait. C'est que les pouvoirs en intuitif. Pointe de jalousie, là. Oui, d'accord, mais c'est pas le problème des pouvoirs pour les quadrillas, Thomas. C'est le problème, ils peuvent tout faire. Mais c'est le problème des règles du monde, en fait, dans lequel ils vivent. Il y a des runes qui gardent les possibilités. Quoi. C'est ça le truc. Ils sont bridés, en fait. Donc voilà. T'allais dire comme les gens qui travaillent chez Bandai, c'est ça ? Merci. Non mais ils sont, si tu veux, ça va être intéressant dans ce jeu. Moi, si je veux développer ce... Cédric, t'es vraiment un as. Si tu veux développer ce jeu, moi je pars d'une idée où les joueurs vont vivre finalement. Pierre est mort de rire. Si tu veux un parallèle entre les règles des joueurs et les règles qui s'imposent au quadrilla, quoi. Ça, c'est intéressant. Ouais. L'idée qu'au début, le jeu de rôle est libre, donc il n'y a pas de maître de jeu, il n'y a pas de contraintes, etc. Et au fur et à mesure, parce qu'on ajoute des règles, t'as fini, Pierre, arrêtez de faire des guignols, là. Au fur et à mesure... En plus, c'est vachement profond, ce que j'étais en train de dire. Non, mais, toujours mort de rire. Sans, ça a-t-il jamais été un jeu... Non, mais vraiment, un univers libre pour les joueurs. Ça, j'en sais pas. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais faire, c'était... Non. Faire en sorte, c'est juste très clairement la question de la liberté. Les joueurs qui sont, enfin les anciens joueurs qui sont autour de la table. Ah, moi je continue non. à jouer. Ouais. Mais bon. Alors par contre, mais pour revenir à ce que disait Rome tout à l'heure, on va redevenir un petit peu sérieux. Moi je trouve ça intéressant du coup le concept que tu vas poser là avec l'enfance des quadrillas. Parce que d'habitude, ce qu'on a, c'est qu'au début, on a plein de contraintes et c'est la merde parce qu'on peut pas faire grand chose. Et puis après, on prend du pex. On prend du pex et du coup on peut friter, on peut faire plus de trucs, utiliser plus de pouvoirs. Comme tu le disais avec Thomas Poussou par exemple, il sauve des bâtiments et tout. Ouais. Donc ça c'est chouette. Et là ce qui va se passer c'est que ça va être le contraire. Au début il va pas y avoir de contraintes, donc j'ai plein de pouvoirs, je fais ce que je veux. Et là tu vas apprendre les règles et puis au fur et à mesure ton pouvoir va être limité. Non, je pense pas. Parce que si t'as pas vécu de contraintes... comme ça, moi j'ai vécu comme une explosion justement des pouvoirs, un développement des pouvoirs. Toi oui, mais je parlais en fait dans la version qu'allait donner Rome sur l'enfance des quadrillas. En fait, tu vas être frustré dès le début parce que au début t'as tous les pouvoirs et en fait avec les règles du monde, ça va. Mais justement, Cédric, on voit dans les jeux de rôle dans lesquels tu laisses trop de liberté justement à un joueur, des joueurs qui s'imposent plus que les autres. Un jeu sans règles, ça n'existe pas. Et justement, c'est ça que montrera en fait le début. Là, je parle juste de l'introduction du scénar, bien sûr. Enfin, mon introduction, mon premier scénario de ce jeu de rôle qui n'a pas de nom encore, donc sur l'enfance des quadrillas, ce sera une introduction dans laquelle on verra que les joueurs, ça, c'est le bordel. Il n'y a pas de règles. Tout le monde prend la parole n'importe comment, etc. Et on verra justement que c'est parce qu'il y a des règles dans un monde, parce qu'il y a des règles dans un jeu, que le jeu prend sens et justement devient jouable. Si, ah oui, donc non, voilà, c'était l'introduction. Non, je n'ai jamais dit le contraire. Je te disais que le côté qui était justement intéressant, c'est que quand tu laisses tout pouvoir, entre guillemets, à tes joueurs, ouais, comme tu le disais, ça va être le chaos, ça va être le bordel. Exactement. Ceux qui vont se dégager, c'est ceux qui ont la plus grosse voix, c'est ceux qui, ce sont eux qui vont pouvoir utiliser leur pouvoir. Ou... Ah. Ça me rappelle la discussion qu'on a eue il n'y a pas longtemps avec toi, Rome, où tu disais qu'il y avait énormément de jeux, de livres qui avaient été écrits sur le parallèle entre le jeu et la vie. Oui. Et qu'au final, même dans la vie, il y a des règles du jeu. Oui. Et que finalement, on ne vit jamais sans règles comme dans le jeu. Comme je disais, donc si un jour je sors ce jeu de rôle sur l'enfance des Cadria de Rebirth, donc cette espèce de supplément qui ne sera pas, hein, une partie de sens, bien sûr. Jeu de rôle philosophique. Mais écoute, non, mais ce sera aussi pour montrer justement le parallèle qui existe entre notre réalité et les règles. Oui, non, mais. On va encore dire qu'on est des intellos, là. Ce que je disais n'allait pas à l'encontre de non, ton non, idée. Non, je sais bien. Bien au contraire. C'est juste pour souligner le côté intéressant, quoi. Ah, d'accord. Voilà, c'est juste le côté. Dès que je suis génial tout de suite et puis comme ça voilà. Bah non, t'as pas fait tous les quadrillages. On s'apprête pas. On s'apprête pas à jouer, hein, tu sais, Cédric, hein, t'as pas besoin de. On va avoir une fiche et puis on y va là. C'est sérieux, on joue là. Hein. Et pourquoi pas, hein. Non. Ouais, non. Désolé les amis, on quitte, hein, on va faire une partie de même. Hein. Non, c'est pas encore prêt. Et puis en plus, on a encore plein de questions. Tout à fait. Posé plein de questions. Alors donc on continue encore. Allez, allons-y quoi. Bon, je pense que ça va être le podcast le plus long qu'on ait jamais vu. Il enchaîne sur les besoins vitaux des quadrias. Est-ce qu'ils mangent ? Est-ce qu'ils boivent ? Est-ce qu'ils dorment ? Est-ce qu'ils respirent ? Thomas, comment est-ce qu'on se régénérer, les quadrias doivent passer un certain nombre de temps dans le monde androïde. Dans le monde androïde, ouais. Oui, voilà. C'est le fait dans le monde des ombres, dans l'ombre monde. Pour les... dans l'ombre monde, voilà. Ouais. Mais ils ne se sustentent pas comme les autres bugs. Il n'y a pas de nécessité. Non, il n'y a pas de nécessité physiologique. Lorsqu'ils sont dans le monde voilà. Tout ce que le maître de jeu doit montrer, c'est qu'ils ont besoin de nombre monde pour survivre. Voilà. Mais après, voilà, ils sont pas. C'est ce que tu voulais dire. Ça joue sur leur capacité physique et sur leur santé mentale. C'est pas un peu étrange quand même. Pourquoi ? Bah, comment peut-il survivre seulement en retournant dans un endroit et c'est-à-dire que c'est leur milieu naturel. C'est leur milieu naturel. Et ils ôtent leur carapace en fait. Ça reste quand même une boule d'énergie. Non, mais en fait, ils sont en interaction avec le monde androïde. Ils sont en interaction, les échanges d'énergie, excuse-moi, avec le monde androïde, en quelque sorte, rechargent leur batterie. Tu vois. C'est-à-dire qu'ils tirent leur énergie du monde androïde. Mais ils perdent continuellement, ça leur demande des efforts de rester dans le monde. Bien sûr, ils perdent des points d'ombre énergie. Voilà. Et ça se voit sur la fiche de perso, soit au fur et à mesure du temps. C'est évidemment dangereux pour un bug de passer dans le monde androïde. Pour un quadrilla d'aller dans le monde androïde, pour ses besoins vitaux, c'est pas un danger. Ouais, voilà, c'est ça le truc. C'est que, en fait, ils ont une carapace. Les quadrillas, voilà. Ils ont une carapace permanente dans la réalité. Et évidemment, pour se sustenter, pour respirer, tout simplement, respirer de l'air. Ils ont besoin, de la même manière que les bugs, d'aller dans... Bon, sauf que les quadrillas n'ont pas de nécessité physique, alors c'est là que ça paraît bizarre. Mais on tous ce dont on doit... Ouais, c'est ça, Pierre, qui te choque. Oui, c'est ça que je trouve bizarre. C'est que... En fait, ce qui compte, c'est... le maître de jeu va expliquer que le quadrilla a besoin de se régénérer dans l'ombre monde. Le joueur va voir, en termes techniques, ça lui donne de l'ombre énergie, des points d'ombre énergie, d'accord ? Mais ce qui compte, c'est que le MJ lui dise « tu as la nécessité d'y aller ». Ouais, voilà. Et c'est ça qui compte. Et il le fait au même moment que les bugs se reposent. Ensuite, les réponses quant à l'exploration, c'est-à-dire ce que va faire le joueur de cette nécessité-là, est-ce qu'il va avoir envie de manger ? Par exemple, si c'est un quadrilla de vie qui a envie de trouver de l'ombre bouffe et puis de se nourrir, ou au contraire, s'il a envie de, par exemple, de baiser, on peut imaginer un quadrilla qui a besoin de sexe, qui a besoin de violence, etc. On peut imaginer différents types de besoins que le quadrilla aura envie de retrouver dans l'ombre monde. Le MJ dit « tu dois aller dans l'ombre monde pour te régénérer », mais il n'explique rien de comment. C'est au joueur de faire sa propre d'explorer voilà, et d'expliquer ce qu'il va faire. C'est vrai que Cédric le rappelait tout à l'heure, ça reste quand même un jeu d'exploration. C'est-à-dire on va exploiter, on va pousser la cohérence de l'univers jusqu'au bout, il faut que ça reste cohérent. Les joueurs autour de la table doivent dire ok, c'est bon. Et ce que faisait beaucoup Marius, si tu t'en souviens, c'est de s'entraîner dans l'ombre monde. Et ça, c'est excessivement important. Avec les autres bugs, parfois. Mais Météor, la première fois qu'on aperçoit Météor dans la base, on sait qu'il est en train de se reposer. Lui, il regarde le soleil. Mais il médite un peu, non ? Il médite. Il ne faut pas faire ses pouvoirs dans l'ombre-monde, les maîtriser totalement pour ensuite, je ne dis rien. Ça, c'était très encouragé dans le... Attends, Thomas, on t'entend plus, t'as plus le micro. Ouais. D'accord, tu veux pas faire de spoil. Mais en tout cas, le truc, c'est que dans l'ancienne base, on ne pouvait apprendre les pouvoirs que dans l'ombre monde. C'est pour ça que tu faisais ça. Ouais, on pouvait les améliorer aussi que dans l'ombre monde. C'était une contrainte technique supplémentaire. Mais à l'heure actuelle, en le fait, seul... ils cherchaient du PEX. Hein, oui, ils cherchaient du PEX. Voilà, ça, exactement. Ouais, tout à fait. Hein. L'ancien système poussait les joueurs à chercher du PEX. Donc à partir de là, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que par contre, pour revenir sur le fait de se nourrir ou autre, il faut s'imaginer quand même les quadrillas avec des sens alors, différents des nôtres quelque part. Nous, on a besoin de bouffer, certes, donc on a certains besoins physiologiques. Ouais. Mais les quadrillas peuvent trouver d'autres moyens, évidemment, de se nourrir que nous ne comprenons exactement. Pas. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, ça, encore une fois, Sens Néant vous donnera aussi des petites idées à ce niveau-là. Ah, ça c'est clair, je ne peux pas en dire davantage pour l'instant, mais donc c'est aux joueurs d'explorer comment il se nourrit dans l'ombre. Moi je me souviens de Thomas par exemple Poussou, donc pas Marius mais Protecteur, lui par exemple il allait voir une petite fille dans l'ombre monde, un petit peu à la manière de Météor avec le petit prince, etc. Il y a différents types de... Syndrome Michael Jackson un peu, non? Oh Thriller. Dédicace à Thomas Poussou. Beat it. Frappe-le. Beat it. Oh là là là là. C'est censuré, désolé. Oh, il est tard, il est tard. Alors donc, on continue un petit peu sur la voie des questions de ce cher Adrien. Non, Pierre, t'avais quelque chose à dire d'autre? Pierre, il est mort. Je crois que Pierre est mort. On est en train de perdre Pierre, là. Pierre est mort, il est mort de rire. Mort de rire. Depuis tout à l'heure, il est de rire, on sait pas trop ce qu'il est. Bon. Pourquoi un quadrilla qui meurt se disperse-t-il? S'il meurt dans le monde réel, sa carapace ne le protège plus et il disparaît à cause du choc ontologique. Donc ça explique la dispersion. Mais que se passe-t-il s'il meurt dans l'ombre monde? Est-ce que vous avez une idée là-dessus, en tant que maître de jeu? Pierre? Bah, c'est une question un peu esthétique, mais c'est intéressant de se la poser. On dit que le quadrilla ne se nourrit pas, ne mange pas dans son monde, ou en tout cas, il régénère rien qu'en apparaissant dans le monde androïde. Bah, pour moi, quand il disparaît, il incorpore le monde androïde. C'est-à-dire qu'il entre, il entre dans le décor, il entre dans la vie, il rentre dans chacun des il ombres. Chante la vie, non, il danse la vie. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il se divise en milliers et puis bah, Pierre, il entre. Je pense, non, c'est pas bonne, mauvaise. Pierre n'a pas forcément tort dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que nous, quand on va mourir, on a un corps. On va clairement nourrir les asticots. Ouais, mais ouais. Non, on fait partie en fait de ce cycle qu'est le monde. Ouais. Pour les, alors d'après ce que j'ai compris, Pierre, c'est la même chose pour les. Mais tout à fait. Les quadrillas sont quand même, restent quand même. Ils disparaissent dans l'ombre énergie. Quoi. D'accord. Reste de l'énergie avant tout, et puis lorsque l'énergie, l'énergie se dissipe. Quadrilla de Rebirth, mais ombre énergie avant tout. Oui, tout à fait. Non, ce que je veux dire, c'est que l'énergie ne reste pas dans un même coin, et puis elle se disperse et va dans tout lieu. En fait. Non, mais c'est pour compléter un petit peu la réponse de Pierre, on a dit tout à l'heure un petit peu, bon, quand les quadrillas allaient dans l'ombre monde, ils enlevaient leur carapace. Ouais. D'accord, donc volontairement. Là, ce qui se passe, c'est que quand ils vont mourir dans l'ombre monde, clairement, ils ne pourront plus. Comment dire, se mettre une carapace. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Les particules vont se disperser. Voilà, merci. Pour moi, il doit y avoir une différence entre les différentes morts des différents quadrillas. Ah. Je pense qu'un quadrilla de vie ne peut pas mourir comme un quadrilla cosmo. Et un quadrilla cosmo ne meurt pas comme un quadrilla de death. Ouais. Enfin, de mort, pardon. Ouais. Non, non, mais... Je pense que le quadrilla de vie doit avoir une mort plus douce, voire comme un être humain quasiment. C'est mal parti parce qu'ils crèvent tous comme des. Comme oui, des mais fous. Dans l'ombre monde, je pense qu'il. Voilà, moi je le verrais vraiment mourir comme un être humain avec en se tenant le corps et en d'accord. Tombant à terre. Quelque chose de là, plus. Voilà, un petit peu là... d'amour. C'est ce qui est. C'est comme... nul, c'est vrai. À cause de Marius. J'ai rien compris à cette blague, les mais gars. Mais non, parce qu'il m'embête, parce que, j'avais besoin de mettre de l'amour dans mes parties. Du cul aussi, Cédric, du cul surtout. Quand tu veux mettre de l'amour dans tes et parties. Et sinon, les quadrillas bon, Cosmo... C'est fini, oui. Les quadrillas Cosmo, pour moi, mourraient en développant... En forme d'équation mathématique, ouais, peut-être, exactement. Irrésolue. Ouais. Exactement. Et les quadrillades mourraient forcément... avec beaucoup de violence, en emportant de préférence des ombres personnes avec eux. D'accord. Ouais, non, mais ça me semble cohérent aussi de les faire mourir de manière différente. Différente, pourtant c'est la même chose. Selon le. Non. On va peut-être pas s'apesantir non plus des heures sur cette question. Oui. Je pense que la réflexion de Flavie est importante sur la symbolique en fait à donner à la mort du quadrilla selon sa rune. Ouais. Enfin, moi, ça me paraît pas mal. Quoi. Même au niveau esthétique, ça claque. Hein. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Alors, maintenant, y a-t-il une raison valable pour que tous les quadrillas de Rebirth se sacrifient, en mourant tous quand même, il met un point d'exclamation, pour entraîner les bugs? Des quadrillas pourraient affronter les bugs, garder un peu d'ombre pouvoir pour la fin, et utiliser un gros ombre pouvoir, genre téléportation, pour s'enfuir. Les bugs se seraient entraînés et des pertes auraient été ainsi évitées. Pourquoi les quadrillas de Rebirth se sacrifient en fait pour entraîner les bugs? Est-ce que vous avez une raison valable pour ça? Le silence qui... extraordinaire, extraordinaire. Je et pense voilà. que déjà. Alors là, je vois tout le monde qui fait merde. Non, mais c'est complètement incohérent. Je pense non, pas forcément. La vie. Et alors, pourquoi les quadrillas se sacrifient alors qu'ils ne sont pas cons, les quadrillas? Pourquoi est-ce qu'ils vont jusqu'à la mort pour entraîner les bugs? Parce que ils c'est le meilleur moyen d'entraîner les bugs. Les bugs, au bout d'un moment, ils ne savent pas qu'ils ont des gens qui sont de leur côté en face et qui mettent tout ce qu'ils ont. Et qu'au final, ils tuent des quadrillas parce que les quadrillas ne peuvent pas se défendre. Mais par contre, ça peut rejoindre la question donc, d'Adrien, je crois, tout à l'heure, sur la mort de Kranisten. Ouais. Savoir pourquoi faire crever Kranisten? Oui. Tout simplement parce que Pierre le disait tout à l'heure, le coup pour entraîner les bugs, et je pense que Solipsy sera d'accord avec moi, la mort, c'est formateur. C'est-à-dire qu'un bug qui va perdre des alliés tels que les quadrillas de Rebirth, ouais, c'est formateur, parce que voilà, il y a des gens qui sont... vision agonicienne du monde, c'est... Il y a des êtres qui sont puissants, qui nous ont apporté une aide. Ces mecs-là vont crever pour nous. Mmh. Alors, d'une, c'est un symbole de mortalité. C'est voilà, même eux qui sont quadrillas de Rebirth peuvent crever. Et pour nous, c'est également un symbole d'espoir parce que même ces quadrillas-là peuvent aller jusqu'au sacrifice ultime afin que nous, bugs, puissions continuer. Mmh. Donc oui, c'est normal qu'un quadrilla de Rebirth crève. Mmh. C'est pour mieux, c'est pour que notre entraînement soit complet. Alors, tout à fait. Bon. Moi, j'ai une première réponse historique à apporter à la question d'Adrien. Thomas, tu as peut-être une autre idée, non? Première question historique, c'est, à mon avis, à la base, quand on a inventé des quadrillas de Rebirth, ça devait vraiment être des adversaires. Ça devait vraiment être des ennemis. Pas forcément, il n'y avait pas forcément déjà ce twist où ils vont se transformer en alliés. Certains d'entre eux, oui, mais pas tous. Et donc, à mon avis, déjà, ça explique historiquement pourquoi il y en a la majeure partie qui meurent. Mais la réponse surtout que j'ai à faire à Adrien, c'est « Mais qui meurt ?» Graveur meurt, mais il est complètement maboule. Il faut mettre un terme à sa folie parce que la tornade menace, très bon quadrille, menace l'équilibre de l'ontologie entre la réalité et etc. Et l'ombre monde. J'ai failli dire la fiction. Attention. Donc entre la réalité et l'ombre monde, il la menace, donc il meurt et c'est bien normal. Et d'ailleurs, même les quadrillas de Rebirth veulent que Graveur meure parce que sa folie commence et ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas eux-mêmes à faire la basse besogne. Météor regardera, il assistera à cette scène, mais il n'interviendra pas. Donc Kranisten non plus, d'accord, ne voudra pas faire cette basse besogne. Donc les bugs sont un peu envoyés tuer un quadrilla qui dérange tout le monde. Premier point. Premier quadrilla à mourir. Donc il meurt. Pour entraîner les bugs, oui et non, on ne sait pas en fait. La vraie réponse de Graveur, on n'en sait rien. Deuxième quadrilla qui meurt, Kranisten, on l'a expliqué un petit peu. Déjà, moi, je ne suis pas sûr qu'ils doivent mourir, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a, les frères Fournier? Je m'arrête parce qu'il y a des fous dans cette pièce. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Non, on t'écoute attentivement. D'accord, ok. Vous foutez de ma gueule, quoi. Pas du tout. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, Kranisten, on ne sait pas. On ne sait pas s'il meurt ou pas. On a dit, moi, je suis pas hostile à ce que Kranisten survive, premier point. Deuxième point, il se sacrifie par culpabilité, peut-être pour tester les limites de Finnonfinger, pour voir s'il sera capable d'aller jusqu'au bout, pour mourir tout simplement, parce que Kranisten, c'est quelqu'un qui souffre énormément et donc qui veut mettre fin à ses jours. Meta-anima, on ne précise pas sa destinée. Et les autres quadrillas de Rebirth meurent contre eux. Elle meurt, oui, bien sûr, tuée par Wilfried, oui, mais c'est pas les bugs, excuse-moi, on ne précise pas sa destinée, j'entendais, ce ne sont pas les joueurs qui décident de quelle sera sa destinée. Donc voilà. Et enfin, le dernier météore, les bugs, bon, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec Météore, mais en tout cas, pour l'instant, il est en vie. L'Omicron, c'est l'Omicron qui tue les quadrillas de Rebirth. Quand on dit qu'ils se sont sacrifiés pour sauver les bugs, c'est vrai qu'ils se sacrifient pour les entraîner, etc. C'est vrai, mais aussi pour que la renaissance de la Terre survienne. Donc moi, j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a une raison de sacrifice? Est-ce qu'il y a vraiment des sacrifices pour les bugs? Est-ce qu'il y a vraiment des quadrillas qui sont assez cons pour se tuer, se mettre tête baissée sur les bugs, des kamikazes, des bugs, si j'ose dire, pour les aider à ce point-là? C'est pas certain. Ils sont pas tous, en tout cas dans la nouvelle version, comme ça. Alors peut-être que c'est des restes de l'ancienne version. Enfin voilà. Après, je pense que ça dépend de la vision que tu as des quadrillas de Rebirth, encore une fois. Je pense que ça peut se résumer à est-ce que Kranisten va le faire crever ou est-ce qu'on va le faire vivre. C'est toute la portée, tout l'objectif que tu veux donner à tes quadrillas. Et au final, voilà. La vraie question, il se l'est posée à la fin hein, quand il a demandé. Moi, perso, en tant que maître de jeu, mes quadrillas de Rebirth, j'ai fait crever. Hein. Mais allons-y. Pas forcément Kranisten, parce que là, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de quadrillas de Rebirth qui vont crever, qui ne vont pas garder de réserve d'énergie pour se téléporter autre, qui vont crever jusqu'à la fin. Parce que le but du jeu, c'est quand même que, y en a qui sont à la solde du graveur. Donc ceux-là, clairement, il faut les buter. Il y a ceux qui vont vouloir entraîner les bugs jusqu'au bout. Bref, t'as raison, tu peux en trouver. Hein. Ouais, c'est clair. Il y en a qui veulent mourir parce qu'ils souffrent, tout simplement. Non, c'est clair. Alors, pourquoi Protecteur ou tout autre quadrilla, nous demande-t-il, devrait-il craindre la destruction de Cosmo et de Rebirth? Je crois qu'on en a parlé un peu depuis. Mais s'il est dans le monde réel, il continue. S'il est dans le monde réel au moment où cette destruction a lieu, il n'y a pas de raison qu'il disparaisse. Bah si, quand même. C'est ce qu'il dit. Mais il faut entretenir le suspense jusqu'au bout. Là, on ne sait pas trop. Et il faut toujours que les joueurs qui ont un personnage de quadrilla. Moi, il me semble qu'on a répondu. Je pense aussi. Je pense qu'on a déjà répondu. Que ce soit une nécessité pour lui d'y retourner, etc. C'est ça. Nécessité d'avoir ça en tête. Il y a toujours un lien entre le. À la fin de. On ne sait pas. Peut-être qu'il va survivre parce qu'il aura sa carapace, etc. Mais au bout d'un certain moment, comme il ne pourra plus passer dans l'ombre monde, il va forcément s'épuiser en termes d'énergie. Peut-être redevenir normal. Ouais, c'est une question de temps. Pour Marius. On ne sait pas. On verra ce que diront les bouquins. Pour Marius, ça a été une quête de la connaissance. C'est-à-dire le jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je l'ai continué pour la connaissance. Et c'est en me rapprochant de Cosmo que j'ai eu la réponse. Ah, la vieille incitation. C'est vrai de toi, oh mon Dieu. Ah, la vieille incitation. Par contre, peut-être que Lina et Gabriel aussi pourraient répondre un petit peu plus amplement. Il y en a qui ont bricolé des trucs pour bricoler des trucs par rapport au pouvoir Ombroïde, que certains bugs. Qu'est-ce que t'en penses? Disons qu'il est difficile de faire apparaître l'Ombroïde dans la réalité. Enfin, pour ça, dans le jeu, moi, j'ai dû fabriquer des synchronies. Gabriel, il a eu recours à un autre matériel dont je ne parlerai pas pour l'instant. Parce que pour l'instant c'est un gros spoiler, mais l'ombre monde ontologiquement n'a aucun lien avec la réalité, donc de toute façon il serait difficile que un individu qui vit Thomas. Avec Thomas est en train de Thomas faire en des train choses de bordel de oh là là ça il y serait il difficile sa page, qu'un là. Être qui vienne de cette ontologie là puisse survivre dans une autre ontologie. Moi, je me vois pas survivre dans le néant, personnellement. Il y a deux dernières questions. Ne vous endormez pas, cher auditeur. Ne vous en faites pas. C'est bientôt la fin de ce podcast. Une question de Melchior, tout d'abord, et puis on finira par une question d'Adrien, qui, à mon avis, est énorme. La question de Melchior, plus simple, mais esthétique aussi, très intéressante. D'où viennent les noms des quadrillas? Pourquoi ces noms un peu comme protecteur, graveur Pourquoi les quadrillas? Est-ce que c'est un nom? Qu'est-ce qui se passe, hein, chérie? Allez, on est parti sur Météor. Je viens de me rappeler que Météor, c'était à cause d'une bière. Ouais. Je suis désolée. C'est moi l'alcoolique, normalement. Voilà. Hein. Okay, Météor, on avait bu de la bière Météor et voilà. Oh merde. Je suis désolée. Oh merde, oh merde. Ouais, ça tue le mythe. Ça tue le mythe. Pourtant, bon, le il en reste beaucoup d'autres. Ouais. Il en reste beaucoup d'autres. Heureusement, certains, comme Graveur et les autres auront la vie sauve. En tout cas, une référence sauve. Bah écoutez, c'était une bière très savoureuse et il fallait un nom à un personnage du quadrilla parce que Rome l'avait appelé Nédéor. Non, pas et du ça bien. Ressemblait trop à Nédéor. Heureusement que c'était pas de la Henken ou de la Kronenbourg. Je crois pas. Tu l'avais appelé Nédéor au début? Non, je crois pas. Si. Persuadé parce que du coup il avait pas le même nom au début que Météor et tu m'avais dit on avait joué un scénar et tu m'avais dit on peut pas laisser s'appeler comme ça parce qu'il y a Nédémon Classis, d'accord, et Nédéor c'est trop proche et je buvais de la meilleure Météor et j'avais dit bon Météor, d'accord, bon, donc comme tu peux le constater Melchior, il n'y a absolument aucune raison crédible. Non, protecteur, graveur et les autres quand même, si il y en a un. Oui, il dit est-ce que c'est un rapport avec leur rôle? évidemment. Bien sûr, évidemment. C'est même très très intéressant de nommer justement, même ceux qui sont hors base, ceux que tu vas créer toi-même, les Kadria, c'est important, je pense, de leur donner une symbolique. C'est-à-dire, si par exemple, ils aiment certains effets, ne serait-ce même qu'esthétiques, par exemple, utiliser la foutre en forme de vague. La foutre, pardon. Donc, par exemple, tu l'appelles Vagus. Si Meta Anima, par exemple. Vagus, ouais, Meta Anima, Meta Anima. Vagor, plutôt, ce serait quand même plus agréable. Ouais, après, ça fait Dark Vagor. Voilà. Non, mais voilà, mettre une symbolique à chaque Adria, c'est également clair. Les rendre vivants. C'est clair. Non, c'est clair. Ça, c'est important. C'est clair. Et puis surtout, leur donner des noms qui ne correspondent pas à des noms d'humains ou des noms de créatures vivantes. C'est des noms de rôle. Ça, c'est vachement important. Quel est ton rôle ? Bon, à part Kranisten. Alors justement, Pierre soulignait tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as dit dans un micro, mais tu soulignais tout à l'heure, mais Kranisten, c'est bizarre. Ouais, c'est normal. Kranisten, ouais. Oui, parce que c'est un des premiers, finalement, un des premiers méchants, entre guillemets. C'est le plus vieux méchant Kadria, tu vois ce que je veux dire ? Donc à cette époque-là, Kranisten, voilà, on trouvait que ça faisait méchant, que ça faisait crâne, tu vois, un peu comme dans Musclore, Skeletor. Quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, voilà, la référence est là. Mais c'est le seul, si on prend par exemple Météor, qui a son nom de bière, Kranisten, finalement les deux Kadria les plus importants, c'est ça. Ouais, c'est non, vrai. Parce que je pense que... Il y a le graveur. Non, je pense... Puis Protecteur, un hein, Kadria comme Protecteur, ne serait-ce que le personnage de Tom Pouce, je pense qu'il est quand même carrément important aussi. Météor, je trouve son nom au final, qui a été issu d'une bière, dans les bouquins maintenant, je trouve qu'il trouve bien sa trace finalement. Ouais, c'est puis. L'étoile filante là qui passe. Ouais, tout prince, à fait. Ouais. C'est toujours trippé autour de ça. Non, mais c'est clair. Finalement, c'est un hasard heureux. Hein. C'était plus balèze avec Canterbro, quoi. Ouais, Canterbro, ça aurait été plus dur, hein, je pense. Mais par contre, il y a. Peut-être que Sens Néant pourra vous donner également quelques indices. Quelques là-dessus. Idées, ouais, carrément. Et puis, bah, Pulsar, s'il avait été là, aurait pu aussi vous expliquer deux, trois trucs. Mais en tout cas, l'idée principale est là. Ouais, voilà, il faut leur donner des noms de rôle. Et puis, enfin, la dernière question. Une autre question d'Adrien qui me semble vraiment... Et de Melchior également, apparemment. Melchior avait posé la question aussi. J'espère que je n'ai pas zappé certaines de ces questions. Pourquoi est-ce qu'il faut que des Kadria soient rattachés à une rune ? Pan ! J'ai fermé le PC de manière agressive. Il est 2h du matin. Parce qu'à chaque fois qu'une rune est intégrée dans l'un des ordinateurs, cela amène une nouvelle réalité, enfin un nouveau degré de réalité. Oui. Et que du coup, à chaque degré de réalité correspond un Kadria. Oui. Alors maintenant, est-ce que les bugs sont également rattachés à des runes ? Alors Pierre, je vois opiner du chef. Alors Pierre, qu'est-ce que t'en penses ? Et Pierre, il a l'air de penser quoi ? Au premier abord, on pourrait dire non. Parce qu'on est tous nés au même moment, au même endroit, ou pas, à peu près au même moment en tout cas. Mais je suis d'accord avec Pierre. Qu'est-ce que ça peut être classe quand même ? Moi, je suis d'accord avec Pierre pour dire qu'il y a des bugs. Attends, la rose de Galahad, c'est pas une rune. Chut, chut, chut. Je sais que c'est... Je vois pas du tout de quoi tu parles. De quoi tu parles ? Non, mais... On pourrait s'imaginer qu'il pourrait y avoir aussi des bugs de... Moi, je trouve ça crédible. C'est-à-dire, en fait, les Kadria, c'est clair qu'ils sont rattachés à une rune parce que leur réalité est issue des runes de Dieu, des runes de sens. Qu'à chaque fois qu'on en ajoute une, il y en a de nouveau. Mais les bugs arrivent quand ? Les Kadria arrivent, puis bon, là c'est pareil, c'est la foule à poule, on sait pas trop si c'est les bugs qui arrivent en premier, les Kadria qui arrivent en premier, on s'en branle. Mais par contre, je suis d'accord pour dire quand même que ça semble assez évident, vu que les Kadria de Rebirth naissent en même temps que les bugs qui sont sur Terre, Kadria de mort en même temps que les bugs qui sont sur CDN, etc. C'est pas pour la suite, hein, pas de spoiler, messieurs, mais il semble quand même crédible qu'il y ait des bugs de vie et des bugs de mort. Ouais, mais moi je pense qu'il aurait tout à fait été possible qu'il y ait des bugs sans Kadria. Moi je pense que les bugs ils sont là parce qu'il y a. Cosmo et Rebirth. Parce qu'il y a un monde ontologique différent. Justement. Mais imaginons qu'il n'y ait pas eu de Kadria, juste des ombres personnages. D'accord. Ouais, eh bien, les bugs auraient tout à fait pu exister. Sauf que les Kadria sont là en plus et qu'ils sont des antagonistes pour certains tout à fait intéressants. Mais les bugs auraient tout à fait pu exister sans Kadria. Ah non, parce que pour moi, il faut quand même un lien entre le bug et le Kadria. C'est quand même la base relationnelle qu'il peut y avoir dans une team. Oui, ça s'appelle les points de lien. Bah oui. Bah non, mais c'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Enfin... Oui, d'accord, tu penses que ça a un rapport avec les historiques personnels. Ouais, mais c'est tout. Mais moi, je pense que c'est intéressant qu'il y ait un lien métaphysique. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, en termes de règles, en termes de... Thomas, tu voulais prendre la parole et après Cédric. D'abord Cédric. Ouais. Qu'est-ce que d'accord. tu voulais dire ? Alors, j'aime beaucoup l'explication de Flavie et j'adhère. Néanmoins, je trouve qu'il manque quelque chose. dans la mesure où c'est bien de dire que comme on ajoute un degré de réalité, d'autres, du coup, il y a une autre forme de quadrilla qui arrive. C'est bien gentil, mais si on voit, je vais rester très technique, très prosaïque, si on voit une fiche de perso de quadrilla, est-ce qu'il va lui manquer des runes? Non, il lui en manque pas. Ce qui veut dire qu'il y a déjà une forme de cette réalité qui est déjà intégrée, qui est déjà programmée, comme pour nous les bugs. C'est-à-dire que pourtant la rune de chaos n'a pas été intégrée par exemple dans le programme, et pourtant la rune de chaos est présente chez les bugs. J'ai une explication. Est-ce qu'il faut la donner? Cédric là, il vient de quand même. Moi je trouve que c'est par simplicité, c'est facile de se dire il y a des bugs de Rebirth et des quadrillas de Rebirth. Si on regarde les faits, si on se contente du système, en fait, ça sert à la cohérence de l'histoire de se dire, enfin, ça sert en tout cas à la cohérence de l'univers de se dire qu'il y a des fils directeurs. C'est un petit peu des archétypes, mais en même temps, est-ce qu'ils existent vraiment? Est-ce qu'un quadrilla de vie, après tout, ne peut pas décider de trahir sa rune de vie pour passer à autre chose? Si, la preuve, graveur, premier quadrilla, et déjà, toutes les questions sont posées, quoi. Thomas, tu voulais intervenir tout à l'heure? Oui, c'était la question. Est-ce qu'un quadrilla de Rebirth peut devenir un quadrilla de Death? Non, moi je crois pas. Mais enfin, je crois pas dans la mesure où on l'appellera toujours quadrilla de Rebirth. Mais oui, graveur quelque part, il était devenu un peu Death, quoi, complètement Death même. Peut-être même complètement quadrilla de création, qui sait, j'en sais rien. Mais peut-être que si on l'avait laissé faire, il aurait fini comme sur la lune avec sa propre larme. Ouais, mais non, mais c'est clair. Peut-être que c'est clair. Et peut-être que la foudre des quadrillas pourrait changer. Par exemple, un MJ pourrait se dire non, la couleur de la foudre des quadrillas dépend de leur cadran. Et si, par exemple, ils passent... Et donc, du coup, on pourrait se dire que c'est des quadrillas d'Est. Pourquoi pas? Mais bon, en tout cas, moi, à mon avis, faire le lien entre quadrillas d'Est, bug de Death, etc., c'est pratique du point de vue de l'histoire. Ça permet d'expliquer... Enfin, il y a clairement un lien, il y a clairement quelque chose. Ils sont nés en même temps, il y a clairement quelque chose. Mais ensuite, dans la manière dont va l'interpréter le joueur, ce serait dommage de le brider. Et puis, c'est un lien avec le simulacre, quoi. Aussi, je veux dire... Les runes pour un bug, c'est pas seulement des humeurs, un caractère, des types de comportements. Il y a quelque chose d'autre. Au-delà de ça. Encore une fois, je pense que là-dessus, il y a aussi Thomas. Enfin, toi, tu n'y as pas beaucoup participé, mais je pense que Sens Néant apporte énormément de réponses là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a quand même une attache. C'est-à-dire chaque personne est attachée à une rune particulière. Tu vois, il y a un peu. J'allais dire, il y a un horoscope sancien. C'est presque ça, quoi. C'est-à-dire que chaque personne a un peu une étoile directrice, une rune dominante, tu vois, dans l'univers de Sens. Donc, ça paraît logique de dire quadrilla de Rebirth. Mais si quadrilla de Rebirth, ça veut dire appartient pour toujours à la rune de vie. Alors, moi, je vais te poser une question. Est-ce que les bugs se rapprochent d'une rune au fur et à mesure de l'aventure? Ouais. À la naissance, est-ce qu'un bug est plus. A plus d'affinité avec Film Finger ou avec celui-ci? On ne sait pas trop. De par leur contexte, Thomas. En fait, si tu regardes bien comment c'est construit, c'est les bugs de. Alors, on va dire des Rebirth, c'est-à-dire ceux qui naissent sur Terre, ils sont forcément du côté Solipsis. Ils naissent dans la résistance. Il ne faut pas oublier ça. Alors après, il y en a. Ils naissent dans la résistance. Mais il y en a d'autres qui tournent quand même. Sur Séléné, ils naissent. Des traîtres. Hein. Sur la Lune. Oui, d'accord. Ok. Hein, okay. Et pour les autres, je ne dirais pas, mais. Vous verrez dans la suite des bouquins, pour les auditeurs, j'ai envie de... C'est clair qu'en fonction du contexte, on voit bien qu'on va être orienté plutôt vers une rune ou vers une autre. Et voilà, c'est tout. Donc, à mon avis, il n'y a pas de nécessité de rester quadrilla de Rebirth à vie, mais tu auras... De toute façon, François dépend du joueur, il avait changé d'ailleurs sa nature de... Oui, non. Parce qu'il est passé de fragile à quadrilla de Death. Il est passé en fragile de Death. Mais François, c'était complètement tordu. J'en ai parlé. Mais ceci dit, la question d'Adrien et de Melchior. C'est une question. J'ai envie de dire, faut la poser aux intéressés, c'est-à-dire les gens qui jouent les quadrillas de Rebirth. Vous vous sentez Rebirth ou pas? Moi, à mon avis, en tant que maître de jeu, je ferai en sorte qu'ils se sentent. Thomas, Rebirth, il était Cosmo. Exprès. Et Thomas, par exemple, t'étais quadrilla de Rebirth, c'était vachement proche. Il l'a dit lui-même, hein, au niveau de l'équilibre du Cosmo et du Rebirth. Hein. Oui. Ouais, non. Donc, jusqu'au dernier moment. Yann, il était. Yann, on peut pas en parler. KO. On peut pas en parler parce que je sais pas ce qu'il faisait, quoi. Enfin, Yann, il était. Du point de vue du système, j'ai beau essayer de réintégrer son personnage dans Néant, c'est très difficile, très très difficile. parce que je trouve que sur le plan système, Yann, il a bousculé toutes les règles en vigueur. Il n'est pas cohérent, en fait. Son personnage, il n'est pas du tout cohérent avec le reste du système. Mais bon, on ne va pas parler de ça, parce que ça ne concerne pas nos éditeurs. Oui, mais répondre aussi à la question d'Adrien, quand il disait, voilà, est-ce qu'il y a forcément un Kadria de Rebirth ou autre. Donc il s'agit de se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un bug de Rebirth, un bug de Death? Tout dépend de l'évolution des runes également. Enfin, ouais, on le voit bien, un personnage qui est très agoniste de Fenrir, par exemple, exemple typique. Quoi. C'est clair. C'est tu commences à life, alors t'as 3 en life, parce que ouais, t'es solipsis, tu défends la Terre et tout. 3 en life. Et puis t'arrives. Ouais, c'est ça. Non, j'ai 4 là. C'était les anciennes règles. Ah oui, ouais, bah, bon, 3 en life, on va dire que ça correspond aujourd'hui à quelque chose comme 50% en vie. Ouais. Et 4, ça correspond à quelque chose comme 65, 70. Et en l'occurrence, ouais, ton personnage évolue. Donc du coup, pour les Kadria, ça se pose exactement, je pense, de la même façon. Parce que si on n'accepte pas le fait que les bugs soient déterminés, il faut également se poser la question pour les Kadria. Ouais, c'est clair. Non, mais moi, là-dessus... Est-ce qu'il faut les déterminer ou pas? J'ai envie de dire, ça dépend du sens que tu es, quoi. En tant que maître de jeu, c'est clair. Mais bon, après, je pense que vraiment, encore une fois, Sens Néant apporte quand même une réponse sur pourquoi il y a cette détermination, pourquoi il y en a qui sont d'eau, d'autres de feu, etc. On voit bien que ça se profile comme étant plus une espèce de signe, une étoile directrice pour la destinée du personnage, quoi. Mais c'est surtout, avant tout, à la base, revenons à l'origine, c'était des archétypes de perso. C'est pas chercher midi à 14h. Maintenant, avec l'univers qui s'est étoffé, etc., on n'est plus trop sûr. Mais à la base, c'était des archétypes de perso. Donc voilà, il y a aussi une raison historique au truc, on va dire. Enfin, historique ou génétique, je sais pas comment dire, mais voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait bien le tour de la question historique du Kadria. Un gros tour. Avec Thomas. C'était le plus long. Le plus long. Ah, c'était un podcast spécial en même temps. Spécial, podcast événement, quoi. On a réuni quasiment toute la table de Rennes. Après le podcast du chaos. Le podcast. Ouais, j'espère. Mais bon, je pense qu'on a apporté pas mal de réponses. On a essayé d'étoffer un peu le truc. Et ça permet aussi aux gens qui lisent, je pense, les bouquins, de se voir que l'histoire n'est pas déterminée. Que c'est eux qui, par leur interprétation... Thomas, je ne vais pas faire la grimace, j'ai dit déterminé. Mais, c'est eux aussi, par leur interprétation, qui vont dire comment gérer les trucs. Et voilà. C'est ça, à mon avis, la meilleure conclusion qu'on pouvait faire à ce podcast. Cédric, tu voulais ajouter quelque chose? Un petit mot pour la fin, non? Pas une petite blague sur Bandai, tout ça? Les questions qui sont posées, qu'on mais là, les questions, en tout cas, à mon avis, les questions d'Adrien suivent bien un plan clair, quoi, dans la tête, questions qui sont posées. Bien sûr, mais il y a beaucoup de questions qui ont été posées qui peuvent être répondues, comment dire, de façon personnelle, sans il faut également se l'approprier, je pense. Oui, bien sûr, mais bon, en même temps, on a montré aussi comme ça que il n'y aura pas de contradiction à prendre certaines décisions qui pourraient être, par rapport au bouquin, un peu révolutionnaires. Et puis, finalement, non. Et ça reste quand même les joueurs qui interpréteront à la fin. Qu'est-ce que c'était qu'un Kadria de Life? Vous le saurez quand vous aurez fini le jeu. Et ce n'est pas nous qui vous apporterons, enfin, on ne vous apportera pas, en tout cas, une réponse claire et définitive. Voilà, c'est ça aussi le jeu de rôle. Hein. C'est un jeu d'interprétation, ça fait partie du délire. Par contre, en termes de cohérence, là, on insiste. Autant là, on vous a un petit peu parlé des choses incohérentes. On se présente un peu sous le plus mauvais aspect, le truc un peu créé de briques et de brocs. Oui, mais c'est la genèse. Hein. Ça fait partie du truc. À l'heure actuelle, en tout cas, les bouquins sont parfaitement soudés, parfaitement clairs. Il y a une cohérence là-dessus. C'est même le but du jeu, c'est de créer par-dessus l'histoire actuelle un truc cohérent, quoi. Donc voilà, pas de souci. Bon, 2 heures de podcast, mes amis. Voilà, alors, désolé. Un hein, record sur le blog. Pierre. Ouais, c'est long, mais c'est cool. On va peut-être le couper en deux. Hein. Ouais, je sais pas. Je pense que les Kadria sont les meilleurs personnages que Sans ait jamais inventé. Moi, je pense que c'est avec les Kadria, en tout cas. C'est vrai que c'est. En tout cas, sans eux, ça serait pas très intéressant. Exactement. Ce sont probablement les Kadria qui lancent toutes les problématiques les plus intéressantes à jouer et à interpréter. Sans eux, on ne pourrait pas faire d'omelette. Merci beaucoup, Cédric, pour cette merveilleuse. On va dire qu'il est tard, on excusera Cédric. Non, mais Agonis de Fenrir, je pense que tout le monde l'aura reconnu dans les bouquins. Il n'y a pas de souci. Il parle pareil. On ne comprend rien de ce qu'il dit. Il est dans son monde. Il fait des blagues complètement bizarres. Bonne nuit, chers auditeurs. Ciao, à la prochaine.